Allez, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce Ça commence. 67e épisode du podcast du collectionneur. Ce soir, alors ce soir c'est un peu particulier. Vous voyez, il y a moins de monde sur l'overlay, Ouais. mais ça va bien se passer peut-être. Bah, sûrement. Il n'y a pas de raison. Il y a moins de monde sur le vol. Alors, déjà, d'une part, parce que nous excusons notre ami Buzz Dick qui ne se sent pas suffisamment bien ce soir pour participer au podcast. Bon, c'est un petit peu dernière minute. Mais bon. Voilà, on espère qu'il s'établira et qu'il ira mieux pour la prochaine fois. Presse F to pay respect. Voilà. Et enfin, l'autre chose, c'est que bah, vous pouvez voilà, sans le voir sur le layout. Nous avons un bi-icône, Pelle et moi. On a fusionné. Fusion! C'est-à-dire qu'avant il y avait un vieux et un vieux, maintenant il y a un super vieux. C'est ça, en fait. Et L'âge cumulé, donc ça nous fait quel salut âge? Stanislas. L'âge cumulé, ça nous fait eh bien, plus de 100 ans. Oh là là, c'est terrible. On est centenaire là, quand même. À trois, avec l'assistante, bien sûr. Ah mais oui. Comme ça laisse suffisamment de Triple marge. fusion. Et donc voilà. Donc sur le coup ce soir, comme je l'ai dit, nous avons l'incommensurable chance de pouvoir avoir Pelle dans sa totalité, sans coupure, sans C'est pas dit, hein. sans Attendons que fermeture. l'émission soit passée. Non mais ça va, tout va bien, tout va bien se passer. Déjà, on t'entend clairement. C'est déjà. Alors, il y a une vraie différence pour vous, là? Oui? Oui, franchement, oui. Sans D'accord, ok. les blagues à part, oui. Après, Oui, d'accord, voilà. ok. C'était pour savoir. Et donc, sur le coup, ce soir, nous allons vous parler de la société Hudson Soft. Alors, on va parler d'Hudson de manière générale. On va parler d'Hudson pour ce qu'ils ont apporté dans le domaine du jeu vidéo, non seulement en tant que développeur, mais également en tant que distributeur et des séries auxquelles ils ont contribué et tout ce genre de choses. Donc, on risque de parler pas mal de la période 8-16 bits, forcément, un peu comme d'habitude, puisque. C'est notre période du cœur. Et c'est un peu leur âge d'or également, je Oui, pense. oui, oui. Ah, pour le coup, je pense pour de vrai, là, ouais, clairement. Ah bah oui. Ouais, enfin, bah, on pourra en discuter plus tard, ouais. Oui. Et donc ce soir, et bonsoir monsieur Jamel Gol, donc Pelle va nous raconter un jeu un peu plus tard. Ah bon? Oui. On me dit rien, moi. Non, je rigole. Alors, Donc, ok, voilà. tout va bien se passer. On est parti, tout est sous contrôle. On va commencer à parler. Ah oui, parce que oui, enfin tout va bien. On a bu, on est parti. Ah, pas moi. Et donc, Assistante, un verre pour Monsieur Pellet. on va. Alors, Ah oui, on va commencer le podcast comme d'habitude par Oh. une nouvelle un peu triste. C'est Hein. terrible. Donc, Monsieur Kirby, l'avocat de Nintendo, qui a donné son nom à la mascotte, Ouais. est décédé. Et voilà. Donc c'était un avocat, pour rappeler, qui aurait sauvé Nintendo à l'époque, hein, d'un procès en fait, hein, qui était très Oui, important. le fameux procès contre Universal, le fameux procès pour le Oui. nom en fait, Donkey Kong contre King Kong. C'est ça. Et Alors, je me suis oui. toujours demandé, parce que, enfin, c'est vrai ou c'est une légende urbaine encore? Parce qu'il y a beaucoup de Non, non, trucs, non, non. c'est complètement vrai apparemment. ça. Mais là, Oui, oui. c'est 100% vrai. Ouais. Oui, c'est complètement vrai. Et d'ailleurs, j'avais lu, mais j'ai oublié, Kirby avant qu'il devienne le Kirby qu'on connaisse, donc il était déjà apparu auparavant avec un autre nom, en fait, à la base. Ah. Il a été renommé en Kirby, il me Oui, semble. mais je me souviens plus par contre quel nom. Oui. Attends, je vais pouvoir trouver ça, certainement. Billon de plus Je rapide que raconte les. l'éclair. Popo Popo. C'était ça. Ah, tu disais Ah. pas Popo. D'accord, Non, non, c'est Ouais, ça. c'est Popopo. Ouais, c'est Popopo. Et le roi Dadidou s'appelait Dédédé. Effectivement. Voilà. Ah, mais King C'est ça. Dedede, c'est toujours son nom Oui. Oui. américain. En fait, c'est nous qui Voilà. l'avons changé parce que Ouais. on sait pas pourquoi, mais. Et donc Kirby s'appelait, ouais, effectivement, Popopo, avant de s'appeler Kirby. Donc du coup, c'est incroyable qu'un personnage soit débaptisé pour le rebaptiser en un autre, en hommage à l'avocat, quoi. Ils auraient pu. Je pense aussi que déjà le nom Kirby était déjà meilleur que Popopo. Que Popopo, Mais ouais. alors, Pour ça dépend, ça l'international n'a peut-être pas surtout. la Ouais. même. Voilà, c'est pour. Ça dépend où, voilà. Mais je pense qu'après, à l'époque, Nintendo, un procès contre Universal, ils ont dû quand même avoir chaud au cul, quoi. Ah Enfin. oui, clairement, hein. Ils en ont eu aussi un autre aussi, qu'ils ont été sauvés par un autre avocat aussi, où apparemment c'était un peu tendu. mais je me souviens plus exactement en fait l'histoire. Mais ouais, c'est d'ailleurs, si vous voulez des infos sur ce sujet, bon, le livre est en anglais, c'est The Ultimate History of Video Games. Ban Il y a Ryudo, s'il te de plaît. nombreuses pages en fait qui détaillent en On fait le nous procédé. demande de bannir Ryudo. Ben non, non, c'est une observation purement objective et fondée, je veux. Mais en plus, c'est vrai. Oui, bah oui. Voilà. Voilà quoi. Et voilà, bah écoute, Donc, condoléances à la voilà. famille et puis. Bon vent. Et bon vent. Ouais, oui, hein. RIP, monsieur. Qui a donné quand même un des personnages les plus populaires de Nintendo, son nom. Et moi, j'aime beaucoup le personnage, Kirby, quand même. C'est un petit personnage qui aurait pu être une vraie mascotte pour Nintendo, mais je l'aime beaucoup. Ouais. Bah, c'est une mascotte de Nintendo, C'est une en vrai. mascotte. Bah, moi, dans mon idée, la mascotte, elle est unique. Après, t'as d'autres Ah! personnages, quoi, tu vois. Mais bon. D'accord. Bah, ouais, mais Nintendo, c'est un peu particulier, je crois. Ils ont. Ouais, bah oui, Oui. ils ont tellement de personnages forts. Mais c'est vrai, hein, et il avait un rôle énorme dans le Smash Bros, quand tu y penses. Ah, bah, c'est le c'est de la ronde dans le dernier Smash Bros. C'est de la Ouais, ronde, hein, c'est c'est. ça. Excellent, ouais. Enfin bref, Rip Kirby. Alors, sur le coup, on va continuer avec des Okay. nouvelles un peu légèrement plus réjouissantes. Avec un procès Ah, tu choisis bien l'ordre, toi, meilleur de ce de soir. Bandai Namco. Ah, Alors, c'est drôle, ça. nos amis Atigame, on les adore. Ils font des consoles d'une qualité absolument exécrable. Et manifestement, bah, ils s'assoient aussi sur les copyrights, il semblerait, monsieur Chou. Oh putain, j'ai lu ça. Alors, je sais plus, il y a une semaine ou deux. C'était le matin, j'étais en train de boire mon café. Le café est passé de travers. J'ai recraché une petite goutte par le nez, parce que bon, quand même, quand on lit ce genre de truc. Ouais, en fait, effectivement, apparemment, voilà, ils ont faussement cru qu'ils avaient le copyright de Miss Pac-Man. Mais voilà, c'est particulier. Et apparemment, même les avocats de Namco Bandai disent en fait que leurs produits vont leur porter du tort et un dommage envers leur réputation. T'imagines le truc? Ah oui. Ah ouais, non, mais En c'était. fait, la Mais. situation, comme dirait Feu Jacques Chirac, elle est abracadabrantesque. Mais Effectivement. le résultat final, c'est qu'il ne peut plus y avoir de jeu Miss Pac-Man. Non, mais en C'est. fait, le problème de Miss Pac-Man, il me semble que c'est partagé entre deux trucs. Il me semble que à la base, c'était donc un ROM hack qui s'appelait Crazy Auto, Ouais. qui est arrivé dans le radar de Midway qui importait les bornes Namco, donc forcément Pac-Man. Midway a demandé à ceux qui avaient fait le hack de d'en faire un vrai jeu Pac-Man, et du coup il me semble que comment dire, le copyright s'est partagé entre Midway et Namco Bandai. Ce qui explique pourquoi aussi dans la borne Arcade One Up, il n'y avait pas Miss Pac-Man dedans. Il me D'accord. semble, je ne suis pas expert sur le sujet, mais Ouais. voilà. Oui, parce que le jeu aurait eu sa place, hein, en vrai, hein, c'est Oh, clair. carrément, Ouais, carrément, j'aurais ouais, pas ouais. dit non, moi. Mais d'ailleurs, je me rappelle, je t'avais même posé la question si le jeu y était, quand tu m'avais expliqué l'objet. Hein. Mais Ouais. bref, mais. Non, non, il n'est pas dedans. Donc effectivement, c'était General Computer qui avait fait le ROM hack qui s'appelait Crazy Auto. Ouais. Selon Wikipédia, toujours, hein, Midway a récupéré les droits officiels du jeu. Et ensuite, ils ont demandé à Namco d'autoriser sa commercialisation. Donc quelque part, je crois que voilà, tu as en fait deux ayants droit. Et encore, il me semble que Midway plus tard a été racheté par Bally. C'est devenu Bally Midway. Voilà, c'est compliqué. Ah À mais, part non confondre mais avec je vous Bally ai dit, Ballon. c'est le bordel. Ah non, non, mais c'est Miss Pac-Man, c'est un Voilà, carnage point. au niveau Voilà, des produits. Donc voilà. c'est le bordel. Voilà. C'était pour donner Ouais, non, mais t'as raison, mais. l'information un peu. Voilà. T'as raison, mais la vache, ouais, c'est. Les problèmes de droit, de toute façon, ça pourrit un peu plein de trucs, hein, en vrai, mais. Ouais, non. Mais enfin là, Ah, j'ai c'est. l'impression que c'est un truc qui envahit le jeu vidéo, mais à tous les niveaux Ouais, quand bah même, c'est hein. pour ça que par exemple, nous, quand ils veulent Ouais. sortir à les super robots de Taizen chez nous, Oui, laisse bah tomber, alors là, les mecs ils se mettent à quatre pattes en boule dans un coin et ils pleurent quoi. Mais c'est clair. C'est genre. T'as presque eu un éditeur, en fait, en Europe pour chaque personnage, alors t'imagines, Ouais, là c'est. c'est pas possible. Les problèmes de droit, c'est Ouais. beaucoup trop compliqué. Bon, bref. Sur le coup, on peut dire que la présence des projets Cross-Zone en Europe est un miracle. Mais presque. Bah presque, ouais. Ouais. C'est vrai, c'était pas mal, hein, quand même. Ouais. Le jeu était cool, en plus. Ok. Donc voilà. Autre grande news, vous en avez parlé, à la PAX Australia va être présenté l'Extended Cut, c'est-à-dire la version longue entre guillemets de Super Mario Bros, le film que tout le monde attend extrêmement impatiemment. Là là là là. Je pense. Ça reste une page de l'histoire du cinéma. En tout cas, de l'adaptation de jeux vidéo au cinéma. Qu'on va savoir. Je sais pas. Est-ce qu'on le veut? Je sais pas. Est-ce qu'on veut voir ça? Enfin, en tout cas, sur le coup, cette Extended Cut, elle existe. Bon, voilà. Je ne sais pas si les gens sont hypés, je ne sais pas si les gens ont envie de Je voir. pense qu'en vrai, on veut voir ça. Jamais de bol, en tout cas, il veut voir ça, mais je pense que ouais. Jamais de valeur ça, enfin, si ça change tout. Nous. Ouais, non, mais je pense que si, on veut voir ça. Hein. Voilà. Je sais pas quoi dire. J'ai vu Je... la première scène coupée, je l'ai regardée. Bah, bon, j'espère que les autres vont être plus intéressants. Ouais, mais moi, ça m'a, moi, la curiosité m'envahit quand même. Hein. Ce sujet, j'ai envie. Faudra trouver le moyen de d'arriver à attraper ce genre de choses. Je ne sais pas de quelle manière. Bon, voilà. Un grand film des années 90. Si tu l'as jamais vu, Dodon, il faut. Il faut pallier ce manque. Il faut pallier ce manque, mais tu seras obligé de passer par un téléchargement illégal. Je pense pas que le film est distribué en DVD. Ah oui, tu Si. t'es trompé. Ah si. En tout cas, il est sorti en Blu-ray aussi récemment. Ah Ah d'accord, oui. ok, je. Carrément. Ok. Bah oui, c'est improbable si tu te dis, mais qu'est-ce... Non, oui, il y a Bah une ouais. édition Blu-ray. D'accord. Bon, très Ok. bien. Moi je Merci, n'ai les rien gars. dit alors. Et oui, j'avais vu passer Je ça. m'en vais vérifier ça de ce pas. Je sais pas si. Oh putain oui. Ah, on a un port italien, effectivement, je le vois sur Amazon. Je sais vraiment pas si t'as envie de regarder ça. Ah non, effectivement, non, ça pique. Ok. Voilà, bon, sois prévenu, ça risque peut-être de te décevoir. Ouais. Donc, sans transition et sans rien avoir également, des nouvelles du reboot de Cotton dont on avait parlé un petit peu. Le fameux shoot'em up Cotton, premier de la série, Voilà. hop, je vous mets le lien dans le chat, arrive sur Nintendo Switch. Ce sera un reboot et il comptera évidemment plusieurs modes de jeu comme d'habitude. Donc on Bah aura alors, apparemment le mode original et on aura le. oui, un reboot. Parce que je veux dire, il y a des versions quand même assez différentes hein, suivant la console quand même. Oui, alors là c'est vraiment le jeu arcade et c'est le Ouais. reboot du jeu arcade, D'accord. de la Ouais, version voilà. arcade du premier Cotton. Parce que beaucoup de consoles, bah, je crois que toutes les consoles Non. japonaises Alors ont. attends, Ah non, oui, parce que non, je non? dis non, j'ai dit de la merde, ça y est, je m'en souvenais plus. Bonjour, les neurones se connectent. Ah, ok. Il s'agit d'un reboot de la version X68000 qui est considéré comme la meilleure version de Cotton. D'accord, Voilà. ok. Donc, ah, tiens, on va reparler encore du X68000 sur le coup, cet ordinateur japonais qui a pas donc D'accord. plus de jour chez nous. Parce que beaucoup de consoles japonaises ont eu leur Cotton, hein. C'est une série, enfin c'est pas une série en fait, chaque console a eu son Cotton. Et il y a beaucoup de différences d'une console à l'autre, hein. C'est presque un épisode unique à chaque fois. Donc ils ont vraiment leur particularité. Donc sur le coup, c'est bon. Alors le problème de la série Cotton, on l'a déjà dit, c'est que limite, ce serait super bien qu'ils fassent une compilation avec tous les épisodes parce que faire une collection de la série Cotton à l'heure actuelle, c'est pas raisonnable financièrement du Ouais. tout. Mais Je alors crois que tout. c'est, je crois qu'on taperait dans les 5 chiffres hein, pour le prix, non? Bah, c'est du délire en fait, Cotton. Ouais. C'est. Chaque version coûte une fortune. Ah Ouais. ouais, C'est... Avec en point d'orgue donc la fameuse version arcade qui est considérée comme une des PCB les plus rares qui soit. ouais, d'accord. C'est parfait, très bien. Pourquoi pas? Ouais. Mais alors, l'idée de d'un reboot, c'est quand même bien vu parce qu'en. Évidemment, c'est hors de prix, mais le jeu est bon en plus. Hein. C'est un shoot'em up vraiment sympa quoi, à la base. Et c'est très très très accessible. C'est pas un shoot pour les hardcore gamers, vraiment pas. C'est vraiment un jeu plaisir. Voilà, bref. Dès qu'on en saura plus, on en reparlera. Puisque de toute façon, moi, je suis ça dès que ça sort là, dès que ça sort, je me jette dessus. Alors ensuite, je crois qu'il va être temps de parler de ça. De remettre un petit coup sur les atermoiements et sur, on va le dire clairement. Peut-être même une dernière fois que nous allons parler de cette fameuse Atari VCS. Oh là Merci. là. Personnellement, après aujourd'hui, après ce soir, je pense que j'en parlerai plus jusqu'à temps que ça sorte. D'accord. Que le Mais ça projet. sortira pas. Ah non, mais en fait, je pense. Honnêtement, déjà depuis. Quand ils avaient teasé, je m'étais dit, ouais, pourquoi pas, ils vont quand même laisser le bénéfice du doute. Puis après, lentement, j'ai commencé à comprendre, ça puait. Mais là c'est particulier. Donc, ils ont enfin donné en détail ce qu'il y a dedans. Donc, enfin, en détail. On sait maintenant qu'il y a un AMD Ryzen dedans. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a un disque dur à plateau, mais ils disent, attendez, vous pouvez faire l'upgrade en mettant un SSD. Merci. Vous êtes vraiment des génies. Donc voilà, après, bon, comment dire, si vraiment ça vous intéresse ce qu'il y a dedans, vous pouvez aller jeter un œil. Voilà. Mais le lendemain, on apprend que le mec qui à la base avait été embauché pour faire l'architecture de ce bidule, monsieur Rob Wyatt, eh ben il s'est barré parce qu'il n'a pas été payé. Voilà. Donc là, le projet n'est même pas encore arrivé, qu'on commence déjà à voir. Et beaucoup de gens qui s'intéressent de près ou de loin à ce genre de projet, qui disent que ah bah en fait si le mec est parti, il faut pas espérer le voir arriver à son terme. Donc voilà. Donc déjà ça c'est Ça, pas mal. voilà, ça partait pas de manière très. Enfin, on n'a jamais été super optimiste sur le projet, mais là. Aïe aïe aïe. Et oui, mais il y a 3 jours, par contre, j'avais pas mis la news en podcast dans la section news du podcast. Mais voilà, bah, monsieur Rob Wyatt, il fonde un Kickstarter pour lancer en fait un jeu de plateau intégré dans une sorte de tablette. Ça a l'air rigolo. Donc voilà. Donc c'est-à-dire que le mec, en fait, il en a eu tellement eu plein le cul, il s'est dit bon, je vais retourner à faire des trucs. Moi, je sais faire, eux, ils savent pas. Espérons qu'il y arrive. Donc voilà. Donc là, t'es arrivé CS. Moi, je veux plus entendre parler. Hein. Je suis désolé, mais. Ah, bah oui, Bon. c'est vrai, Dom, c'est toi qui m'avais envoyé le lien, effectivement. C'est toi Donc qui sur m'as le envoyé coup, source Twitter. l'Atari VCS, ça pue. La ColecoVision, elle va arriver. La Bah, Nikko, elle va arriver. le problème de ce L'Atari. genre de projet, c'est qu'il faut que ça tombe dans les bonnes mains. Et après, bah, comment dire, t'as généralement la réalité qui vient frapper à la porte pour dire, eh, les gars. Ça, en fait, c'était pas possible. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec beaucoup de projets. Et du coup, là, ben voilà, à un moment donné, c'est la réalité qui revient. Donc, ouais. Beaucoup de projets rétro ces derniers mois, ces dernières années. Au final, peu qui arriveront au bout et peu qui seront un succès. Ouais. Non. Bon, après, pour dire un dernier mot, espérons que ceux qui ont backé aient quand même au final quelque chose. Hein, parce que bon. Ben, j'ai l'impression que peu du succès, pas tant que ça. Le seul à avoir réellement échoué pour le moment, c'est Sony, quoi. Les autres, ça se porte bien, là. Non? C'est vrai quand même que le seul qui a vraiment échoué pour l'instant sur les consoles mini, Ouais. c'est celui qui avait toutes les cartes en main Mais pour pas merder, c'est quoi. celui qui pouvait pas échouer en Mais fait. clairement, hein. Ouais. Ce truc, c'était pas une console mini, c'était vraiment quelque chose de tout nouveau. Oui, bien sûr. Ouais, Atari oui, VCS, donc voilà. voilà. Ouais. Oui, mais on parle vraiment de ce truc qui surfe sur la vague La du vague, ouais. rétro, des Parce que consoles la NES, la nouvelle Super NES. ancienne. La Neo Geo et là la Mega Drive, ça marche bien en fait, quoi. Je veux dire, ouais, il n'y a que Sony qui s'est bien planté, quoi. Et C'est moi qui le dis, hein, t'imagines? C'est moi qui le dis. Justement, transition toute trouvée, on va en parler. On en reparle un petit coup. On a le tarif du stick Neo Geo chez nous. Et ben, malheureusement, le stick Neo Geo chez nous, c'est 160 euros. Que ce soit chez Micromania ou chez Amazon, pour l'instant, tout le monde est au même tarif. Ouais, enfin, il y a un petit problème, c'est même pas vraiment le prix, c'est qu'est-ce qu'il y a dedans? On sait, effectivement, on sait que bouton et stick japonais, la belle affaire. Voilà. Ça, Pareil, c'est. c'est vague, hein. Voilà. Ouais. Ils sont Bon, en les jeux, plastique. on les connaît, quoi. Ce qui veut dire que ça peut être du Sanwa ou du Shimizu ou du Ori. Ouais, bah voilà. Voilà. Chez Voilà. Carotte Gamer, ça, je pense que c'est 160 euros belges. À peu près. Mais alors, oui, mais alors, faut préciser, tu sais, tu dis 160 euros. Belge. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Il est à 120 $, hein, c'est ça en fait. Oui, alors le truc, il part à 120 $, il arrive à 160 € chez nous, donc déjà c'est. D'habitude, la conversion, elle est 120-120, on se mélange, c'est encore pire, oui, quoi. là c'est terrible. On comprend pas, c'est terrible. Là, quelque part, c'est 120-120, mais en plus, tu payes les taxes, quoi. Oui, ben c'est ça. Le problème, comme on l'a dit, c'est qu'à 120 €, il se prend de plein fouet la concurrence avec les stickeries comme le Hayabusa Pro N que j'ai sous le nez. Ouais. À 160, qui va Et mettre au moins, 40 € de tu plus. sais ce qu'il y a dedans. Oui, voilà, on sait ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de jeu Neo Geo, d'accord, mais en termes de matériel, c'est. Oui, voilà. Parce que tu disais, ça peut être du Sanwa ou du Ori. Alors, Ori, c'est pas mal, mais si c'est du Sanwa, évidemment, c'est encore mieux. Mais Ou du Shimizu, il y en a beaucoup qui aiment bien le Shimizu, ouais. mais j'y crois pas Ouais. beaucoup, hein, personnellement. Mais ouais, après, si ça se trouve, c'est une autre marque que personne connaît. Ils ont mis Ouais. ça pour dire qu'on leur fout de la paix pour les vendre. Ouais. Mais bon, On à verra. voir. J'ai une tente de voir ça en magasin. J'espère que j'aurai l'occasion de l'essayer. Bon, je pense de toute façon, dès l'instant où ça va sortir, il y en a eu au moins une personne qui va retirer les vis et on saura déjà ce qu'il y a dedans. Certainement. Qui permettra déjà d'essayer de lever quelques doutes. Petite vidéo que tu nous as mis, Monsieur Pell. Alors, Oui, je alors mets ça, j'ai. le lien dans le chat et vas-y, Ouais, voilà. Donc la parle-en. vidéo, elle est amusante parce qu'on retrouve. C'est quelqu'un qui aurait. Enfin, c'est lui. En plus, c'est le. Il me semble que c'était le YouTube officiel Jordan de Mechner. Georgian Mechner, là, En tout qui cas, la a. chaîne s'appelle comme ça. Oui, Ouais, voilà. Et qui c'est a ça. donc balancé les vidéos qui ont servi de modèle pour la rotoscopie du jeu, donc Prince of Persia. Et c'est son frère, son petit frère, qui avait posé. On le voit courir, sauter, glisser. Et donc, ces mouvements ont donc servi pour le jeu vidéo Prince of Persia. Et j'ai trouvé ça vraiment amusant comme anecdote, parce que le mec a gardé ça, quoi. Et tu te dis, si le frère sautait mieux que ça, eh ben on s'en serait peut-être mieux sorti dans le jeu vidéo. Hein? Ah, si ça, si le frère, ça avait été Tom Holland, quoi. Eh ben, le jeu aurait été plus Oh là facile. C'est là. dommage, hein? Voilà. Mais bon, l'anecdote est assez amusante, quoi. Voilà, les manières artisanales de faire des jeux dans les années 80, Voilà. 1985, Parce quoi. que, évidemment, d'autres sont passés par là. Évidemment, la rotoscopie, il fallait vraiment prendre comme modèle à partir d'une VHS à l'époque, enfin d'une vidéo. Et Another World avec Eric Chahi, ils l'ont tous fait après, quoi. Je me demande si c'est pas le premier quand même, lui. Il me semble que si, mais. Oui, Ce qui est ouais. quand même fou, c'est de se dire qu'en 85, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire ça à une époque où, en termes de graphisme de jeux vidéo, Ouais. on avait du mal à voir le côté réaliste, quand même. Dire que c'était déjà les précurseurs des jeux qui allaient devenir réalistes plus tard. Puisque son but, c'était juste, voilà, de En tout prendre des cas, animations et les reproduire. il est classé comme le premier, oui, Prince of Persia apparemment. En tout cas dans le jeu vidéo, ce serait le premier. Ouais. Donc c'est vraiment. Bah ouais, ça a marqué quand même, hein. C'était fou hein, de voir une animation pareille. Moi je l'avais fait sur Amstrad CPC à l'époque, et c'est une animation qui était bluffante hein, quand même sur la machine. Donc, voilà. Ensuite, une petite news que je viens d'avoir avant de passer à la plus grosse news qu'on va garder pour la fin. Un petit tweet pour vous signaler que pouf pouf clic dans le chat. Retrobit s'associe avec Limited Run et Sega pour faire des manettes. Donc Mega Drive 6 boutons, Mega Drive 6 boutons USB, Saturn 6 boutons et Saturn, enfin Saturn 6 boutons, Saturn tout court et Saturn USB. Qui seront donc roses transparentes avec un petit logo pour lutter contre le cancer du sein, Ouais. qui sont exclusivement en vente sur le site donc de Limited Run. D'accord. Et pardon moi, vas-y. Non, je veux dire, ouais, c'est le National Breast Cancer Month cette année. Enfin, cette année, en ce moment. Donc, voilà. Et Et il y a beaucoup donc d'initiatives de ce il faut genre, et les là, voilà. commander directement sur le site Limited Run avec les frais de port qui vont avec. Normalement, pas de soucis de douane chez eux. Si jamais vous êtes intéressé par ces contrôles, bon, on en a déjà parlé, la qualité. Alors je tiens à dire que là j'ai vraiment éprouvé le pad de remplacement que j'ai eu. Ah oui, c'est Oui. vrai. Bah, j'ai vraiment mis la misère. Il tient debout encore. Donc D'accord. voilà. Voilà. Les qualités sont bonnes, la durabilité posait plus question. Ouais. Moi, j'ai acheté là cette semaine donc pour un Mega Drive Mini un pad 6 boutons bleu transparent pour la Mega Drive Mini, ça fonctionne. Bon, voilà. Si jamais vous avez envie de faire une bonne action et en même temps avoir une Zully Color exclusive. Voilà. 10% du prix d'achat des manettes sera reversé à l'association qui combat le cancer du sein. J'ai oublié le nom de l'association, mais voilà, 10%, donc ça fait bah ça fait 2 euros, je crois, non? Ça dépend de ce que vous achetez. Il y a des Ouais, ça packs, dépend. il y a quatre modèles différents, il y a des packs qui sont faits avec des jeux. Tout ça est à découvrir sur le site Limited Run. Et enfin, ben on va vous parler de la dernière news qui est la grosse news vraiment qui est tombée. Lorsque, évidemment, je n'étais pas là, parce que c'est toujours lorsqu'on n'est pas là quand une grosse news elle tombe. Mais peu importe. On Donc, l'avait annoncé il y a à peu près 2 mois, hein, je tiens à le dire quand même, ici même là. effectivement, ah bon. Ah, presque, ouais. Alors, nous l'avions annoncé, il se trouve que ça va largement au-delà de nos espérances en termes de fonctionnalité. Mais Oui, vas-y, voilà, on va finir avec. on va dire ça, ouais. Effectivement, l'Analog Pocket. Donc en fait, ce qu'on avait annoncé, c'était pas ça. C'était, on avait dit que Limited Run, ils avaient dans leur besace une console portable, une console avec un nom de code 8, enfin 8. On savait pas trop ce que c'était. Bah voilà, la Pocket, c'est ça. C'est ça a la forme d'une Game Boy Pocket, j'ai l'impression. Et ça permet de lire les jeux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Neo Geo Pocket, Lynx, Lynx. Lynx, Lynx et Terraxid. Non, c'est pas ça. Lynx et une autre, non, je sais plus. Game Gear. Et Game Gear. Oui, putain, j'allais dire, j'oublie un gros pavé là. Qu'est-ce qui est et Game Gear Non mais. et plus astérisque peut-être un jour quand on aura le temps. Et donc oui, c'est ça l'idée, c'est que là, c'est ce qui a été annoncé pour l'instant en mode, c'est peut-être pas fini. Et tu as oublié aussi Game Boy Advance. Non, j'ai dit GBA. Ah, Ça, tu j'ai l'as dit. dit? Ouais, Ok, j'ai vu. ouais. D'accord. Alors, Alors jusque-là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc, on a évidemment, bon, c'est une portable qui fonctionne sur batterie. On a un écran qui a une définition qui est 10 fois la définition de la Game Boy. On se dit, mais C'est du 1440p. quel intérêt de faire? Ça va pas rendre les jeux meilleurs. Sauf que l'intérêt, c'est qu'évidemment, en termes d'upscale, on est sur une résolution qui est des résolutions qui sont un multiplicateur par rapport à la résolution d'origine, donc ce qui fait que il va pas y avoir de, enfin, les pixels, De ça va déformation. être des déformations, ça va vraiment être nickel. On connaît pas, ils prétendent la plus belle qualité d'écran qu'on a jamais vue pour une console portable. Alors d'accord, on est là avec nos Vita OLED quand même, attention, hein, on va comparer. Oui, fais gaffe, ouais, faites gaffe à ce que vous dites, ouais. Mais cela dit, et c'est là que c'est intéressant, c'est que ben, ils ont annoncé une autre petite fonctionnalité supplémentaire de rien du tout qui va être vendue à part, qui est le dock. Voilà. En mode Switch. Ah, le Voilà. dock est vendu à part. Et C'est le quoi dock ça? est vendu à part. Reprenant l'idée de Nintendo, ils vont proposer un dock avec une sortie HDMI. Et donc, vous allez pouvoir jouer avec n'importe quel jeu dans cette console portable sur votre écran télé avec une manette connectée Voilà, directement c'est à la ça. console. Ça met sur écran l'intégralité des jeux Donc portables. soit sur USB, les manettes seront soit connectées directement en USB, soit en mode sans fil Bluetooth. Voilà. Donc c'est voilà comme vous voulez. Alors j'aimerais apporter deux nuances au propos parce que bon moi j'achète des One, mais de toute façon vous savez bien que je suis un vendu donc Voilà, c'est ça. Hein, c'est pas le t'as jour. acheté par analogue, toi. Hein. C'est voilà donc c'est pas le problème. Non par contre j'aimerais deux nuances. La première c'est ils disent compatibilité donc Game Gear Neo Geo Pocket Plus tard avec des adaptateurs, et apparemment. la Lynx avec des adaptateurs qui vendront plus tard. Je tiens à dire que ils ont dit pareil. Pour les cartes Game Gear et justement Master System et tout pour la Mega SG, qu'on attend toujours les adaptateurs. Ouais. Donc, les trucs qu'ils feront plus tard, voilà, pour l'instant, on les a pas vus. Ensuite, bah ça coûte, on l'a pas dit, hein, ça coûte 200 balles quand même. Voilà. 200 La dollars. console toute seule, 200 dollars, et le dock, j'ai entendu des rumeurs autour d'une centaine de dollars le dock, mais pour l'instant, on ne sait pas. Alors, je vais faire la mauvaise foi, ça fait cher le Game Boy Player. Non, je rigole. Ouais, mais Bah en fait, non, mais Mais en fait, je... attention, il y a aussi d'autres features qu'on va parler après qui, pour le coup, pour certaines personnes. Voilà, il y a... autant déballer toutes les features maintenant. Déjà, il y a un... Comment ça s'appelle? J'allais dire un synthé, mais peut-être pas ça, mais... Il y a un logiciel de musique qui va permettre de faire du chiptune, Ouais, comment il qui s'appelle? là va intéresser énormément de monde, parce qu'en fait la Game Boy, il y a énormément de monde qui adore les sonorités et qui font des musiques avec des sons Game Boy. Ça, c'est un gros plus, vraiment. Et j'avoue, moi, ça c'est le genre de truc qui m'intéresserait de voir en fait. Ouais, et bah, en toute honnêteté, le mode dock, c'est un truc que j'attends énormément, parce que... Pour streamer de la Game Boy, enfin, de n'importe laquelle de ces consoles, soit il faut une console modifiée. Alors, que ce soit clair, au niveau de la Game Gear et de la Lynx, c'est possible aujourd'hui de les modifier pour avoir une sortie VGA. Ah, tu dis Lynx aussi, toi. Ce qui est Lynx, alors. Ouais, je vais dire Et Lynx, moi je m'en fous, mais. ce qui est non, mais ce qui est compliqué à faire et pas à la portée de tout le monde. Et par contre, ben, la Neo Geo Pocket slash Neo Geo Pocket Color, il n'y a à l'heure actuelle aucun moyen de les modifier pour leur faire sortir un signal qui soit capturable. Le seul moyen à l'heure actuelle que le peu de personnes ont pour jouer sur le vrai hardware sur ces consoles-là, ils ont des kits de développement qui ont une sortie VGA. Et à l'heure actuelle, je crois qu'il y en a trois, on sait, qui sont en circulation. Ouais, C'est-à-dire, il n'y a c'est un aucun peu moyen de jouer à la Neo Geo Pocket Color. sur une Et télé, c'est une quoi. console dont on a déjà parlé, dont moi j'ai toujours dit c'est une de mes portables préférées. Mais le fait qu'elle n'ait pas de rétroéclairage, c'est vraiment un crève le cœur. Alors, pour info, il existe un mode qui est tout récent pour mettre un écran rétroéclairé dans une Neo Geo Pocket Color. Oui. Mais ce mode est loin d'être au point. Pourquoi? Parce qu'en fait, la taille de l'écran de remplacement est plus petit que comment dire, que le cache-écran. Ce qui fait qu'il faut cacher avec du gaffeur, avec du scotch noir pour qu'on ne voit pas en fait le trou. Et je trouve ça un peu nul. Donc pour le moment, il existe un mode, mais il n'est pas, comment dire, c'est encore un truc artisanal. C'est pas vraiment un truc qui est très au point. Et pour une autre info, pour la Game Boy Advance, il existe en fait un kit qui permet en fait de consolider en fait une GBA. Ouais, on en avait parlé dans un Ouais, précédent on avait parlé, podcast, ouais, effectivement, ouais. effectivement. Et qui permet de jouer avec une manette Super NES d'ailleurs. Effectivement. Et ça, pareil, ça demande une modification de la console. Mais sinon, pour la Game Boy Advance, comme Petite Belle l'a dit, il y a le Game Boy Player de la GameCube. Mais GameCube qui se branche en Péritel. Voilà. Donc, encore, ou en YQV, mais le câble coûte. Bah c'est ce que Enfin, j'allais les dire. câbles Il y a coûtent le de qui. moins en moins cher, puisqu'il y a de plus en plus de modes qui permettent de sortir du Ouais. HDMI sur la GameCube, mais ça reste des câbles qui coûtent 100 balles minimum, je crois. Hein. Ouf. Ça reste de l'investissement, quoi. Et vous pouvez aussi avoir Super Game Boy sur la Super NES, mais c'est pareil. Du coup, il faut brancher la Super NES sur la télé. Oui, je parlais de streamer, parce que je suis streamer, mais juste déjà brancher sur une télé, déjà, c'est un bon point. Donc, voilà. Cette feature-là, je pense que c'est intéressant. Par contre, le prix du dock, j'ai très peur parce qu'effectivement, quelqu'un a balancé au pif 100 $, mais connaissant Analog, bah, ça ne me surprendrait même pas qu'il demande un dock à 100 $. Le souci qu'on a dit, c'est que finalement, la complète avec les frais de port et les frais de douane, Ouais, c'est chaud. ça va être très très très onéreux, je le crains. Après, en attendant un petit peu, alors ils ont parlé pour l'instant d'une, enfin, de peu de quantité, tout ça. Bon, après, c'est peut-être juste du teasing pour faire décider les gens. Au-delà de ça, il y a des features aussi qu'on va attendre, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, moi, des firmwares non officiels officiels. Oui. Qui permettrait notamment de lancer les jeux directement du port SD sans avoir à acheter justement des adaptateurs supplémentaires. Par exemple, ouais. Ah oui, on l'a pas précisé. Le but du jeu, c'est de, à la base, jouer avec vos propres cartouches, des vraies cartouches. On l'a Oui, pas précisé, ça, je crois. mais oui. Bah voilà, c'est quand même le truc. C'est pas un émulateur, c'est pas une console émulateur. C'est une console FPGA, donc c'est un hardware qui va simuler le vrai hardware de la console, mais ce n'est pas de l'émulation. Il n'y a pas d'input lag, il n'y a pas des Le soucis de compatibilité. voilà Enfin, il peut y en avoir, mais qui peuvent être corrigés le but assez du jeu rapidement. de la console avec cette technologie-là, parce que ouais, on va le rappeler, c'est 100% compatibilité, zéro lag. Ce qu'à l'heure actuelle ne permet pas d'offrir aucun émulateur, ni rien d'autre qu'une console d'origine, en gros. Voilà, c'est ça l'idée. Et je vais le rappeler parce qu'il y en a qui ont. Ça ne. ça n'empêche personne de continuer de jouer sur un émulateur. Il n'y a aucun problème, ça n'empêche personne de continuer de jouer sur ses vieilles Game Boy et tout, c'est pareil, c'est juste pour ceux qui veulent jouer à une Game Boy, à tout en fait, soit dans leurs mains, sur, avec un seul device, soit branché directement sur la télé, avec un upscaling déjà pas mal, hein, parce que 1440p, ouais, mine de rien... comme tu le présentes, le prix il est presque justifié, quand même. Tu joues à tout dans un état le plus parfait possible. Pour moi, c'est justifié. Je comprends qu'il y en ait d'autres qui se disent « T'es teubé, il y a des émulateurs qui existent. » Voilà, mais pareil. Ce n'est pas un émulateur. C'est ça que je veux dire. Le souci, c'est toujours le même, c'est qu'il faut compter, le fait qu'on soit en Europe et que sur le coup, on prend 20% de taxes en plus. Le prix. J'espère, c'est qu'ils vont annoncer à un moment... parce que le doc, pour l'instant, il est annoncé à part... Et ils disent pas quand il sera sorti, ils disent pas le prix. Mais j'espère qu'ils vont à un moment annoncer un pack, enfin, pour dire voilà, on vend les deux en même temps et pour limiter les frais de port, quoi. Ouais. Parce qu'Analogue, en plus, les frais de port, ils se font plaisir aussi. Hein. Je sais pas. Cela dit, t'es livré rapidement, hein, toujours. Mais Ouais. Mais putain. Et ce que t'appelles rapidement, c'est quoi, 2 semaines? Ah non, une semaine. Ils te disent j'envoie et une semaine après, tu l'as le truc. Hein. Ah ouais, c'est bien. Enfin, nuance, toute proportion gardée, si ça arrive à Roissy, ouais, la douane. Et que la douane ait fait coucou, bon là, oui, mais c'est plus de leur ressort là par contre. Oui, oui, d'accord. Mais voilà, il y a une deuxième feature, feature cachée, parce qu'Analogue, il y a un truc, je sais pas pourquoi, ils ont décidé que toutes leurs consoles, il fallait qu'ils les vendent 200$. Là, avec ce qu'on a dit, la console elle-même, 200$, ça fait peut-être un peu raide, mais en fait, ils ont mis un deuxième FPGA dedans. Mmh. Et le deuxième FPGA, au début, je pensais qu'il était fait pour gérer l'écran. Et apparemment, c'est pas tout à fait ça. Il est fait pour que si des gens veulent programmer eux-mêmes des trucs, bidouiller des corps, programmer, quoi, proposer d'autres choses, qu'ils puissent le faire facilement. Ce qui fait qu'on pourrait avoir une console qui fait beaucoup plus que faire jouer des jeux de console portable, quoi. Ce qui pourrait être intéressant. Au passage, d'ailleurs, ils n'ont pas cité la WonderSwan. Ah oui ? Ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils... Ouais, enfin, je sais pas si t'es un peu familier avec la Swan. Le connecteur en fait cartouche est pour le beaucoup plus long, très bizarre, et je pense qu'au niveau adaptateur ça va faire un truc dégueulasse. Ouais, mais par contre, ouais, bon, avec leur fameux firmware magique, peut-être que je ne sais pas, on verra. On verra. Parce c'est que le full compatibilité Swan, ce serait vraiment sympa. Ouais. Bah, ce serait énorme parce que je veux dire, ils te disent ouais, ça marche avec la Lynx, et là tu fais, mais attends, est-ce que quelqu'un a quelque chose à foutre? Bah, oui, peut-être, c'est une marque américaine. Oui, ouais, c'est vrai. La ludothèque de la console est pas géniale. Et alors que la WonderSwan, là déjà, c'est les petites étoiles qui s'allument dans tes yeux là. Ah ouais, il y a des trucs sympas. Fait, en fait, un truc FPGA pour la Swan. Je pense que le corps n'existe pas en fait. Ouais. C'est peut-être Swan, ça aussi. Ouais, j'ai juste tapé WonderSwan FPGA et le seul truc c'est. Ils ont le meilleur proof of concept, je crois, de FureTech qui ont. Ouais, donc c'est peut-être aussi que ça n'existe pas encore. C'est possible. Enfin bref, voilà. Donc sachez que ce produit existe. Sachez que voilà, j'ai vu des gens qui comprenaient pas l'intérêt. Je peux le percevoir, mais j'ai vu des gens qui comprenaient pas ce que c'était, qui faisaient des mauvaises comparaisons. Et bon, c'est dommage, quoi. C'est dommage. Enfin, s'en remettra, mais enfin, sur jeuxvideo.com, il y avait une émission où ils en parlaient sur le stream, là, et t'as envie de dire, ouais, mais Silent G, prends tes cachets, calme-toi, c'est pas grave, ça ne t'intéresse pas, il n'y a aucun souci, enfin voilà. Ok, ben de toute façon, on aura l'occasion d'en reparler. On en reparlera en février, hein, quand je la recevrai. Ah, c'est prévu pour février, en fait ? J'ai pas vu de date. Ouais, la date de sortie de la console, c'est février. Mais je la prendrai peut-être pas maintenant. Comme je dis, je préfère attendre sûrement qu'il y ait un pack avec le dock, parce que frais de port, c'est terrible. Ouais, non, c'est clair. Juste en fin de news, rapidement, vous annoncez une bonne nouvelle. Et j'y tiens, parce qu'il faut le dire. Parce que des fois, ça se passe bien. Non seulement j'ai reçu mes manettes Super Nintendo pour la Switch, mais en plus Moa les a reçues. Je les ai reçues. C'est une blague. J'en ai reçu deux. Elles fonctionnent. J'ai quand même eu une petite embrouille avec le transporteur, bien sûr, hein, c'est normal. Ah. Mais je les ai eues mardi dernier, ce qui est vraiment énorme. C'est fou. Un petit mot rapide. C'est nickel. On dirait, enfin, c'est exactement le même plastique que les modèles pour la console mini. C'est exactement une manette Super NES 1-1. Elles sont légèrement plus lourdes à cause des batteries. Ça marche comme une manette Super NES. C'est parfait, c'est nickel, il n'y a rien à dire. Moi, je suis content. Ça va. J'ai trouvé un défaut que j'avais pas vu venir parce que j'avais mal regardé. Un seul. Il n'y a pas de bouton Home. Il n'y a pas de bouton Home. Du coup, quand tu veux quitter un jeu sur ta Switch, bah, tu peux pas en fait. Oui, il n'y a pas de bouton Home, ce qui oblige à avoir toujours une manette pro ou des un Joy-Con, voilà. C'est pas non plus un truc ultra rédhibitoire, mais elle est normalement dédiée donc à l'application Super NES Online. Oui. Et l'application Super NES Online attribue Home et Capture aux boutons ZR et ZL. Oui, oui, oui. Par contre, oui, ils ont prévu ça pour cette application-là. Ils ont prévu ça pour l'application. Bon, après, vous pouvez jouer à n'importe quel jeu avec cette manette. Ça fonctionne. Voilà. Ce matin, j'ai joué à Picross. J'ai jamais été aussi vite. Tant que vous voulez pas utiliser les joysticks, ça marche, quoi. Mario Maker 2, par exemple. J'ai joué aussi à la compil Castlevania de Konami. Ça fonctionne parfaitement. Il n'y a aucun souci. Oui, je précise quand même que c'est vraiment agréable parce que justement, pour l'avoir essayé là, chez Beyond, c'est que la manette Super NES, c'est l'ergonomie absolue, quoi. Cette manette, elle est intestable à ce niveau-là. Hein. Franchement, la Super NES, la manette Super NES est absolument géniale. Je trouve encore. C'est pour ça que pour jouer à des jeux 2D, je me suis rué dessus, là. J'ai fait, oh là, oui, c'est obligé, là. Oui, non, mais clairement. Hein. Je veux dire, il y a eu beaucoup de manettes de sortie depuis, mais franchement, ça reste toujours le top. Hein. La seule question auquel on n'a pas encore réponse, c'est l'autonomie. J'ai pas eu le temps encore de voir. Voilà. Je vais me pas regarder. Elle est pas très longue à charger. Je ne sais pas combien de temps. Ça va durer. Donc bref, c'est de retour en stock chez Nintendo, mais pas avant l'année prochaine, malheureusement. Sachant que les manettes NES sont revenues et n'ont jamais été hors stock depuis qu'elles sont revenues. Voilà. Ils ont jamais réussi à les expédier, donc... Ouais. Et on va plus loin que les manettes NES qui étaient vraiment très limitées termes d'utilisation. Là, c'était... Bah déjà, tu étais obligé de les utiliser, c'était considéré comme des Joy-Con. Donc pour les charger, il fallait vraiment les mettre sur la Switch. Enfin, honnêtement, c'était pas une bonne idée, les manettes NES. Voilà. Et entre parenthèses également, donc si vous n'avez pas été servi, soyez un petit peu patient. Ne les achetez pas aux revendeurs qui essaient de les revendre 3 ou 4 fois leur prix. Pitié. Voilà. Parce que c'est le cas. Sur ce... Alors, je vais pas le dire trop fort, mais ils ont annoncé la suite d'Okami. On a là, et c'est trop bien. On n'est plus dans le domaine du rétro, là, les amis. C'est pour ça que j'ai chuchoté. PS2. Oh, PS2, monsieur. Ah ouais, mais moi, je mets complètement rétro. PS2. Alors, on parle de la suite d'un jeu, donc... Bref, non, c'est pour ça que... Mais c'est la suite d'un jeu rétro. C'est pour ça que je l'ai chuchoté, voilà. Donc, Okami 2 sur PlayStation 5, l'année prochaine. Ou alors, comme on a dit, Okami HD sur PS5, l'année prochaine. On ne sait pas encore. Okami HD, HD+, parce qu'il était déjà HD. Ah oui. Et même 4K. Donc... Et donc, sur le coup, nous allons pouvoir passer à notre sujet principal, Hudson Soft. Eh ouais, ce soir, c'est le miel et les abeilles. J'avais promis à Bosdy que je ferais la blague. Bah oui. Et donc Hudson, commençons par le début. Hudson, qu'est-ce que c'est dit donc? Hudson, c'est une société japonaise. Jusque-là, on est d'accord. Wow. Petite histoire, le nom de la société vient du nom d'une locomotive japonaise, la locomotive Hudson, tout simplement. D'accord. Parce que les fondateurs de la marque aimaient particulièrement les trains. I like trains. Voilà. Ce qui est rigolo. Oui, oui. Et ça a commencé comme une radio amateur qui vendait une boutique de radio amateur qui vendait des publications, des photos d'art. Des... Enfin bref, c'était, ça a commencé au départ avec chose qui n'a strictement rien à voir avec. Le jeu vidéo. Voilà. Un peu comme Nintendo au tout début, hein, on s'en rappelle. Mais assez rapidement, la marque va se mettre à vendre des choses en rapport avec les ordinateurs qui donc commencent à exister à partir de la seconde moitié des années 70 et les jeux vidéo et ce genre de choses. Et évidemment, bah, ils vont finir par éditer et créer ces mêmes jeux vidéo et devenir un des acteurs principaux de la chose quelques années plus tard. Mais bon, on va un peu vite en besogne. Alors déjà, bah, il faut savoir qu'en France, Hudson, on les a surtout vus comme des éditeurs. Oui. On les a assez peu perçus comme parce qu'ils ont été beaucoup, donc à l'actuel, on va en parler de la PC Engine et pas mal de jeux PC Engine, Bah oui. console qui est quand même extrêmement marginale sous nos latitudes. Mais avant cela, ils ont commencé à exploiter bah, tout simplement les machines disponibles au Japon, c'est-à-dire tout ce qui était les NEC PC 88, Ouais. le Sharp X1 ou les MSX. Et donc. Effectivement. Là, on est dans la période de Monsieur Chou. Et surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ils vont commencer à éditer des jeux vidéo en récupérant le droit d'adapter des jeux sur NEC PC 88 d'une autre petite marque de jeux vidéo pas très connue, les jeux Nintendo. Eh oui. Et ouais, en fait, ils ont commencé avec des petits jeux sympas sur... Ah, comment il s'appelait celui-là? Attendez, j'ai pris des notes, mais voilà, sur PC 88, à savoir deux petits jeux qui plus tard vont être adaptés sur Famicom, qui sont Binary Land, un peu plus tard Nuts and Milk. Donc Binary Land, c'est celui avec les pingouins. Alors c'est rigolo parce qu'en fait, c'est un puzzle game qui est très sympa à jouer, mais qui est ultra dur. En fait, vous avez deux pingouins qui sont séparés au milieu par un mur. Et vous avez à gauche un labyrinthe qui est différent de celui de droite. Et quand vous appuyez sur haut, par exemple, les deux pingouins montent. Vous appuyez à gauche, les deux pingouins vont à gauche. Donc il faut réussir à les guider, en fait, malgré les contrôles un peu bizarres, au bout du labyrinthe, qui est rempli de monstres, de pièges, tout ça. C'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu qui est assez méconnu sur Famicom, mais il me semble qu'il fait partie des premiers jeux d'éditeur tiers sur Famicom. Tu Et voulais alors, ajouter quelque chose, peut-être, oui. petite parenthèse totalement, voilà. C'est quoi le délire avec les pingouins? Parce que lorsque Hudson nous fait Binary Land, Konami en même temps sortait Penguin Adventure sur MSX. Ouais, et ils ont un design très Et similaire en le plus, hein. design est Ah, tout à fait carrément, similaire, carrément. Ouais. c'est assez énorme, voilà, c'est très Oui, ils rigolo, se je trouve. ressemblent beaucoup, hein. Ouais. Et donc ça, c'est pour Binary Land. Après, il y a un autre jeu très méconnu aussi sur Famicom, qui est un puzzle Un Battle platformer. Royale? On peut... Comment? Non, je croyais que tu parlais du Battle Royale. Un Battle Royale? Non, non. Ça Donc peut un être autre un. jeu aussi qui est sorti également aussi sur Famicom, qui a commencé sur NEC PC 88. C'est un petit jeu qui s'appelle Nuts and Milk, que Ah j'ai sur oui, Famicom. d'accord. Ouais, c'est un Ok. puzzle platformer. Je pense qu'ici, à part Pell, personne ne le connaît. Alors, j'avoue Effectivement. que Voilà. ça ne me dit C'est rien. pas un jeu exceptionnel. C'est plus, en fait, si vous préférez, une sorte d'adaptation du concept de Donkey Kong. Et bon, le portage de Donkey Kong sur Game Boy avec la centaine de niveaux qui est plus un plateforme puzzle. Bon, en fait, c'est un peu ça, mais on a un peu moins bien en fait sur Famicom. C'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu qui coûte pas grand-chose, il me semble, sur Famicom. En tout cas, je l'avais eu pour quelques euros. D'accord. C'est plutôt un bon petit jeu. Donc, en fait, ça a commencé un peu comme ça aussi chez Hudson. Mais après, effectivement, bien on l'avait dit. Comment ils ont eu exactement les droits d'adaptation des jeux Nintendo, ça je sais pas vraiment. Mais donc ils ont fait donc dans un premier temps un Mario Bros spécial. Alors celui-là j'y ai jamais joué, mais j'avais joué à pas longtemps à Super Mario Bros spécial qui sortira un peu plus tard, qui est en fait ben un port, c'est pas vraiment un portage, c'est un tout nouveau jeu qui est destiné au marché des ordinateurs avec surtout le NEC PC 88 et le Sharp X1. Même s'il y a des contrôles qui sont un peu similaires au jeu d'origine, il y a parfois des sprites qui reviennent du jeu Mario Bros ou de Donkey Kong. Mais par contre, il y a un souci, c'est que sur ces ordinateurs, ben, il n'y a pas de scrolling. Donc c'est des écrans fixes. Oui. Et de ce fait, la maniabilité, elle est très hasardeuse. Mais ça s'émule, si jamais vous voulez tester, pour la curiosité scientifique, ça peut se faire relativement facilement. Mais j'ai découvert la semaine passée, alors j'ai pas encore testé, je sais pas ce que ça vaut, qu'il existe un ROM hack de Super Mario Bros. Sur NES qui reprend en fait le level design de Super Mario Bros. Spécial. Mais comme D'accord. je l'ai dit, j'ai pas le temps de tester, malheureusement. Ah, je savais pas ça. J'ai découvert au pif, mais vraiment au pif. Mais c'est vrai qu'on voit en plus vraiment des titres sur NEC PC 88 de Nintendo, que ce soit Balloon Fight, Exit Bike, Ice Climber. Même il me semble golf Il et y a golf et tennis sont des tennis, ouais. adaptations aussi de Oui. des jeunesses, enfin et aussi Famicom On quoi. était après, on était à l'époque où Nintendo ne s'occupait pas eux-mêmes des adaptations de leurs jeux et où, enfin bon, on se cherchait un Bah, petit peu. après, C'est moi. ce qui a permis d'avoir des versions assez catastrophiques, notamment sur Atari 2600 de De Mario. Mario Donkey Kong. Après, quelque part, si on veut essayer de donner peut-être un début d'explication, on peut l'expliquer aussi comme ça. Hudson était l'un des premiers éditeurs tiers sur Famicom. Et pour développer, il me semble, alors je suis pas, c'est une info que je, enfin, c'est un truc que je viens de me souvenir. Il me semble que le Family Basic sur Famicom, il me semble que Hudson a développé la partie basique en elle-même. La partie clavier avait été confiée à je sais plus qui. Je suis en train de vérifier. Effectivement, c'est Sharp pour le clavier et Hudson pour la partie software. Bon, c'est peut-être entre guillemets un échange de bons procédés entre Nintendo et Hudson, ce qui serait peut-être pas non plus étonnant. Mais j'ai pas plus d'infos que ça, malheureusement. Ok. Et le premier vrai gros succès d'Hudson et surtout le premier jeu qui va permettre de faire connaître, de lui faire réellement connaître, on en a parlé rapidement, c'est le fameux Bomberman. Eh oui. Battle Royale. Le Battle Royale, Bah ouais. l'ancêtre des Battle Royale. Bah Oui, oui, premier exactement. BR, voilà. Et je veux dire, il y a une époque hein, quand même où c'était la folie du jeu, Bomberman. Je veux dire, c'est un jeu, je veux dire, tu le comprends immédiatement, quoi. T'es dans une arène, tu dois tuer les autres, tu dois survivre, c'est tout, quoi. Ça se pose. Et le gameplay est immédiat, quoi. Ça fonctionnait très bien. Et puis Donc le... c'est des barres, hein. Enfin, Mais Ah oui, non, mais clairement. c'est. Moi je pense que c'est l'un des rares jeux vraiment jouables en multi que tu peux encore rejouer maintenant si tu les as Oui. connus à l'époque. Ouais, clairement. Ouais. Mais le souci, c'est que pour ceux de notre, comment dire, notre génération, c'est très bien Bomberman. Mais ça dans les mains d'un gamin qui a jamais entendu parler du personnage. Alors, je sais que tu en as fait l'expérience, toi, en plus, monsieur Oh là là Shooks. là, plusieurs reprises hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Et Il comprenait pas, hein. j'ai encore tâté le terrain ce mercredi. C'est J'ai un bizarre, hein, quand même. groupe de gamins que je connais maintenant depuis bon, presque un an, en fait, que je vois quasiment toutes les semaines. Ouais. Donc je leur ai dit, ah, la fois prochaine, j'essaie de vous ramener un truc, c'est le premier Battle Royale. Alors les gamins, ils essayaient de te trouver des noms. J'ai essayé de teaser, j'ai essayé de le faire intelligemment. Ouais, tu l'as vendu Donc j'ai comme fini ça. par lâcher le nom. Il y a un des Ouais. gamins, il m'a regardé, il a fait, non mais c'est pourri ton jeu. Je fais, t'y as déjà D'accord. joué? Il me fait, non, mais je sais que c'est de la merde. Je dis, donc t'y as jamais joué. Donc je vais encore essayer une fois. J'avais essayé des versions Super Nintendo. J'avais essayé des versions PlayStation avec toujours avec des multitables. Donc à chaque fois, c'était genre tu pouvais jouer à 4 ou 5. Mais oui. Et ça, j'ai jamais trouvé, en fait. Ça a jamais vraiment, en tout cas au sein de mes animations, rencontré un succès auprès des plus jeunes. D'accord. Et Par tu sais, contre, les. le jeu était quand même ressorti récemment sur cette génération-là. Ouais, je sais. Et il est pas vilain en plus, quoi. Mais Bomberman bon. R, en fait, au début, Oui. j'aimais pas. Mais ouais, c'est pas le pire portage, c'est pas la pire version du monde non Mais non, plus. parce qu'en plus, il a subi énormément d'évolution le jeu hein, depuis sa sortie. Et jusqu'à sa sortie sur Switch, je veux dire, tout récemment, le jeu a eu énormément de suivi avec des personnages supplémentaires, des arènes, beaucoup Ouais, d'options. effectivement. Le jeu est absolument pas le même le jour de sa sortie. Et donc, Effectivement. Konami l'a bien suivi. Voilà. Donc ouais. Konami. Après, pourquoi ça plaît pas aux plus jeunes? J'en ai toujours pas Bah la ouais. moindre idée. Ouais. Alors que c'était vraiment, moi je me Je rappelle, pense parce que que je vais essayer de toute façon à la version l'époque. PC Engine, à savoir bon, les versions Bah, PC Engine dont bon, on ouais. parlera après. Mais tu sais, Petit, ben, voilà, parce que donc le jeu a commencé sa carrière donc sur PC 88 en 1983, mais vraiment l'explosion, c'est avec la version NES. Si vous cherchez le jeu en Europe, vous n'allez pas le trouver sur NES, puisqu'il ne s'appelle pas Bomberman, il s'appelle Dina Blaster. Dina Blaster. Dina Blaster, ouais. Alors pourquoi on ne sait pas, il ne se rappellera plus jamais comme ça, hein, vous en faites pas. Bref, la version européenne s'appelle Dina Blaster, c'est un jeu qui est trouvable relativement facilement, sans trop de soucis. Mais je me rappelle, qui doit être compatible full Wayplay, je suppose. À l'époque, tu jouais en multi, tu jouais à Mario Kart ou à Bomberman, quoi. C'était vraiment les deux jeux qui tournaient le plus, quoi. Mais bon. Est-ce qu'on peut voir si c'est compatible avec le... Il y avait il parle de solo ennemi. Il y avait Street Fighter 2 aussi, hein, mais c'était que à deux, ça. Voilà, on remarque Mario Kart aussi. Et donc oui, Bomberman, ouais. Moi j'ai connu Bomberman réellement, je m'en souviens très bien, avec le premier épisode Super Nintendo, Super Bomberman. Je pense qu'on est beaucoup à avoir joué à Super Bomberman. Il faut savoir que sur Super NES, il y a eu 5 épisodes au total au Japon, sur Super Famicom, et on n'en a vu que 3, nous, en Europe, les 3 premiers uniquement. Il y a aussi des spin-offs. Hein. Voilà. Je l'ai découvert avec la PC Engine, parce que c'était le jeu qui était vendu avec, quand je l'ai vu. La PC Engine, tu veux dire le sous-épisode de la version Mega Drive? Ah non, ça c'est l'épisode, c'est Bomberman 94, celui-là, qui est 100 fois mieux. Hein. Alors t'arrêtes tes bêtises. Je parle vraiment du premier Bomberman, qui est en fait une version améliorée du Bomberman de la Famicom en fait. Mm-hmm. Il est absolument, visuellement, il met tout. Quoi. C'est vraiment, les 3 épisodes de PC Engine sont géniaux. Mais c'est là que ça devient intéressant, c'est que sur les premiers épisodes 2D, que ce soit les versions Super NES, les versions PC Engine, la version Mega Drive, et puis après un peu plus tard la fabuleuse version Saturn, il n'y a pas de mauvais épisodes. Oui. C'est-à-dire là c'est garanti, honnêtement. Ouais. Et alors ça doit être un design très simple. Je trouve que c'est très riche visuellement, c'est très cartoon, c'est très coloré. Ils ont des bonnes têtes, les petits personnages, avec tout le lore qui est enrichi, avec les kangourous et tout ça. Franchement, ça fonctionne super bien. C'est une série que j'aime beaucoup. Ah, moi aussi, personnellement, c'est fait partie de ces séries de multijoueurs que... Ouais. Sans aller jusqu'à dire que je me lasserai jamais, mais... C'est le genre de truc, tu sors, t'as un pote qui vient ou deux, et c'est parti, hein, t'as pas besoin d'expliquer. Si, au pire, t'as peut-être besoin d'expliquer certains power-ups ou certaines choses qui sont, comment dire, qui reviennent pas d'une version à l'autre. Mais sinon, c'est un concept universel, mon Bomberman. L'idée, c'est que voilà, pour jouer à plusieurs, que ce soit bon, aujourd'hui sur Super NES, sur PC Engine ou sur Saturn, c'est qu'il va falloir trouver des multitaps. Ça va être plus ou moins compliqué suivant les machines. Ouais. En fait, pour la PC Engine, récemment, j'en ai acheté un. Et c'est pas si compliqué que ça. En fait, les manettes coûtent plus cher que le multitap. Oui, les multitap PC Engine, bon, c'est relativement populaire. Il y a eu des multitap plusieurs. Il y a multitap 3 et multitap 5, c'est ça ? Il y en existe même un multitap 2. Justement, le pack avec le Bomberman que j'avais eu, c'était le multitap 5 joueurs qui était avec. Voilà. Parce que sur la PC Engine, donc pour ceux qui... Il était noir. Pour ceux qui ne se souviennent pas, la PC Engine n'a qu'un seul port manette de base. Donc de toute façon, pour jouer à deux, il fallait acheter un multitap. Pas le choix. C'est ça. Et on parlait de multijoueur en précisant peut-être que la version Saturn avait quand même une particularité, qui est l'épisode où on pouvait le jouer le plus nombreux à jusqu'à 10 joueurs en même temps sur l'écran. Oui, mais c'est pas la seule version, tu peux jouer à 10. Ah ouais ? Ah, je connaissais que celle-là. Alors, je me suis souvenu d'un truc en fait durant la préparation de ce podcast. Ouais. Qui est d'un jeu que personne connaît qui s'appelle Hi-Ten Bomberman. Alors pourquoi ce nom ? Parce qu'en fait déjà on pouvait jouer à 10. Ouais. Mais pourquoi le high ? Parce qu'en fait le jeu était en fait entre guillemets ce qu'ils appelaient à l'époque haute résolution. En fait, c'était un jeu qui était en format 16:9. Ouais. C'est un jeu qui pouvait jouer à 10 et il a la particularité d'être un jeu unique sur un hardware développé en interne par Hudson uniquement pour ce jeu. Mmh. Alors, il faut savoir que il me semble, alors si j'ai bien tout compris, cette carte qui s'appelait le Tetsujin deviendra plus tard en fait l'un des successeurs en fait, enfin ça deviendra un peu plus tard le PCFX si j'ai bien tout compris. Apparemment le jeu en fait il est conservé sur un CD qui a été récupéré par un groupe d'archivistes dont j'ai oublié le nom. Ils ont ça dans leur carton depuis quelques années. Selon les rumeurs, c'est entreposé n'importe comment et voilà. Ok. Bon, j'ai aucune idée. J'ai essayé de trouver des infos, non officielles, et j'ai pas trouvé ça du tout. Bon, je vais vous mettre le lien dans le chat pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. Parce que je précise, parce qu'on va peut-être terminer sur Bomberman, que je trouve que la série a eu tellement d'importance que moi je pense que c'est Bomberman qui aurait dû figurer comme mascotte et comme emblème de Hudson, je trouve. J'irais même plus loin. Il existe en fait des personnages Konami dans Smash. Oui. Étant donné que Konami a racheté Hudson, moi je trouverais pas ça débile, tu vois, que. Un petit Bomberman, mais Voilà. il y est pas Honnêtement, Bomberman. Alors, il est Mais il y en. est, oui. Il y est? Le perso il y est Mais pas, mais il y est en tant oui. En qu'esprit. assiste? Oui, voilà, en assiste. Ouais, je Et vois. t'as un. Je me souviens très bien dans le mode histoire, t'as un combat contre Bomberman. Alors, c'est pas Bomberman, mais. Ouais. C'est un gros hommage à Ouais, ok. Bomberman. Et il est en trophée. Ouais, voilà, c'est rigolo. En trophée, voilà, merci. Mais Alors, du coup, après, c'est. honnêtement, Bomberman, c'est totalement un perso qui aurait pu avoir un perso jouable, quoi. Non, mais totalement. Y a plein de mouvements dans le jeu, ils auraient pu l'adapter, mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Alors, juste un petit mot rapide sur la version Saturn pour terminer là-dessus. Le mode 10 joueurs utilise alors, par contre une résolution, une haute résolution pour la Saturn. Alors une haute résolution à l'échelle de la Saturn, on se détend. Hein. C'était pas Et mal déjà la haute résolution le Saturn. problème, c'est que, outre le fait que les sprites sont très petits, Ouais. Le taux de rafraîchissement des écrans fait que ça scintille énormément sur un tube cathodique et que, en vrai, le mode 10 joueurs de la Saturn, il n'est pas follement agréable. Il existe un mode 8 joueurs, en revanche, avec sur une arène normale, qui lui est beaucoup plus agréable à jouer que le mode 10 joueurs. Voilà. Ok. Et qui évite, juste, enfin, toujours pareil, sur Saturn aussi, trouver deux multitaps. Ouais, c'est compliqué. C'est pas ça. Donc oui, là, comme tu as dit choix demi-mot tout à l'heure, évidemment, la série Bomberman a connu plein de spin-offs par la suite, où ça est devenu un petit peu façon Mario. On a commencé à avoir des jeux de Oui. course, des jeux de plateforme. Dans Oui, les il y a jeux de des course qui puzzle game le aussi. Il y a un Qui jeu façon demande. bowling un peu bizarre que personne connaît à part moi, Ouais. qui s'appelle Bomberman Bidaman, qui a été vendu avec un jouet Bomberman qui lance des billes, sans déconner. Donc voilà. Malheureusement, c'était devenu un peu n'importe quoi. Ouais. Oui, c'est le Bomberman Fantasy Race sur PS1, qui est Ah aussi, probablement je l'ai un des oublié. jeux les plus immondes que j'ai pu jouer, quoi. Il est affreux. Pourtant, la jaquette, elle faisait envie. Je me suis fait avoir. Mais il n'existe pas un jeu comme ça aussi sur PS2? Ah, probablement. Probablement. Mais tu imagines un jeu de course à dos de kangourou, ça faisait plutôt envie. Mais pour faire avancer le personnage, c'est pas le bouton, il faut mettre la flèche en haut. C'est incroyable. Oula, oula, c'est compliqué. Enfin voilà. Donc Bomberman, grosse licence de Hudson, hein. Si ce n'est Et la plus grande. voilà, il existe un Bomberman Online sorti sur Dreamcast en Amérique du Nord, apparemment. Je Et ne savais non, pas. je ne connaissais même pas l'existence, et je pense qu'il fait en fait le premier Bomberman Online jouable. Ben oui, ben oui. Sur le coup. Oh, Voilà. si, s'il n'y a pas eu quelques expériences à l'époque de la PC Engine ou des trucs comme ça. Hein. Parce que la PC Engine, il y avait pas mal d'expériences qui permettaient de la connecter à des réseaux comme ça, donc je serais pas étonné. Bon, ensuite, alors, pour parler quand même de d'autres licences d'Hudson, parce qu'on parle, c'est pas une spéciale Bomberman, tout à fait. Je voulais parler d'un jeu sorti assez rapidement, qui sera également une autre série à succès, beaucoup moins connue chez nous en Europe. Le premier épisode est sorti d'abord sur MSX et Famicom. C'est une petite série qui s'appelle Star Soldier. Ah oui. Ah oui. Série de shoot'em up. Shoot'em up, ouais. Qui est Et connu pour être une trilogie sur PC Engine. Voilà. Donc les fameux Super Star Soldier, Final Soldier et Soldier Et Blade. Soldier Blade, voilà. Et Donc que ce sont. dire? Vas-y, vas-y. Ouais, donc en fait, c'est des shoot'em up à scrolling verticaux. Enfin, vertical en tout cas. Et c'est des shoot'em up très très nerveux. Vraiment, ça t'en met plein la vue, quoi. C'est vraiment. De toute façon, la PC Engine à l'époque était réputée pour avait quand même le sous-titre d'être la console du shoot'em up. Hein. Ah, carrément, oui. Ah Ouais. oui. Ouais. Mais alors, et cette trilogie-là faisait vraiment office de référence absolue. Hein. C'était vraiment très très très très bien. Ah, en termes de ce qui se fait de mieux dans le genre sur PC Engine, Ouais. t'as quoi? T'as les Star Soldier, t'as Gunhead aussi Les Gunheads, oui. qui est Mais alors excellent. moi, c'est marrant parce que je pensais que Gunhead faisait partie de cette trilogie-là, en fait. Non, non, pas du Mais tout. ouais. Non, Mais oui. c'est même pas le même dev, il me semble. C'est Bah le même ouais, je développeur. crois bien. Mais comme tu dis, de toute façon, il y a eu Et puis le Star Parodier sur CD-ROM, c'est un jeu Ah, qui il est fait excellent tellement aussi envie. celui-là. Ouais. Oui, qui est un spin-off de la série principale. Même si, bon, tu vas me dire qu'il y a un spin-off d'une série de shoot'em up. Bon, c'est du genre, le scénario il est élaboré au point qu'on fait un spin-off. Bon, d'accord. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Non, c'était le spin-off est plus à prendre dans le sens où Konami avait montré la voie avec Parodius. Oui, ok, ouais. Donc C'est ils ont ça. décidé voilà, de faire un shoot'em up kawaii avec quelques personnages de. Voilà. De Hudson, mais justement, en plus, là, on dirige un Bomberman hein, dans cet épisode-là. Et tu diriges aussi une PC Engine. Une petite PC Engine, oui, qui est une console elle-même. Et je crois qu'il y a encore un autre vaisseau, mais je me souviens plus. Je me souviens plus lequel, malheureusement. Dans Star Parodia, ouais, je me rappelle plus. Et donc, oui, quelques petites anecdotes sur Star Soldier, quand même, parce que c'est intéressant et ça va faire le lien avec la série suivante dont je voulais parler. Ouais. Le premier Star Soldier sur NES et ensuite donc la version PC Engine sont connus pour être utilisés dans les fameux tournois Caravan. Alors, qu'est-ce que c'est que les tournois Caravan et les jeux version Caravan? C'était donc dans les années 80 et début des années 90 des tournois itinérants au Japon, où vous aviez des espèces donc, de tournois qui se déplaçaient de ville en ville. Et dans chaque endroit où le tournoi s'arrêtait, les jeunes, les vieux, tout le monde d'ailleurs, étaient conviés pour venir réaliser le meilleur score possible sur des versions du jeu particulières qui étaient limitées dans le temps. Par exemple, vous aviez 3 minutes pour faire le score le plus élevé possible. Et de ces tournois caravanes est née une des légendes. La Eh fameuse légende de Takashi Meijin. oui. Ah. C'est-à-dire que Le fameux. le fameux qui s'est fait connaître grâce à son fameux 16 Trop pressions sur le chaud. bouton par seconde. Et ces 16 pressions sur le bouton par seconde sont liées étroitement à Star Soldier sur NES. Puisque appuyer 16 fois sur le bouton en une seconde, c'est la manière la plus rapide de tuer le premier boss du jeu. Et le monsieur s'est fait connaître en arrivant à réaliser, entre guillemets, cet exploit. Et tu te rends compte quand même, c'est du mal. Enfin, j'ai vraiment du mal à imaginer 16 pressions par seconde. Enfin, c'est fou, quoi. Bah, il a été filmé, il me semble. Attends. Oui, Ah, non, mais non, je mais vais de toute façon, je chercher. pense que c'est vrai, hein. Oui, non, Je non, n'en ai c'est pas pas. grand Pour le coup, c'est vraiment pas du bullshit. peur. Ouais, je pense, mais je veux dire, Il y c'est. aura même quelques goodies d'ailleurs fabriqués par Hudson qui permettront de comment dire d'immortaliser un peu tout ça. Ouais. Et donc, sur le coup, ce fameux Takashi Meijin va devenir une des figures emblématiques de la marque Eh ouais. et va servir, entre guillemets, d'animateur pour tous ces shows itinérants et tous ces tournois itinérants dans le Japon. Et en même temps, un petit peu de, j'allais dire, de Aniki, de grand frère. C'est Pour ça. les Japonais qui apprenaient, qui jouaient aux jeux vidéo, chacun de leur côté, et qui là se retrouvaient tout à coup avec une espèce de modèle. Donc, il faut savoir que Takashi Meijin avait des. Évidemment, c'était un rôle qu'il jouait, hein, c'était pas lui-même. Notamment, il raconte par rapport à la légende de son personnage que beaucoup de personnes, et encore aujourd'hui, quand il interviewe, on lui demande toujours, donc sur le coup, vous n'aimez pas les aubergines, parce qu'un jour, il y a une histoire avec le personnage qui jouait, qui donc n'aimait pas les, devait ne pas aimer les aubergines. Et elle s'est restée sur le coup, alors que sur le coup. Ou alors c'est, attends, il n'aimait pas les aubergines, ou alors il les aimait alors qu'en fait il les exècre et sur le coup tout le monde croit qu'il les aime. Enfin, il y a une histoire avec l'image qu'il véhiculait et la personne qu'il était réellement derrière. Il y a encore une autre histoire qui est que chez Hudson, ils avaient même reçu des lettres en fait d'une mère de famille qui disait à cause de vous, mon fils veut pas manger d'aubergine. C'est marqué, il raconte l'anecdote en fait dans le livre. Ah oui, Je c'est l'avais ça. noté. D'ailleurs, soyez en passant, si vous voulez connaître de super anecdotes sur Takashi Meijin, il y a un livre sorti chez Pix and Love qui raconte son histoire. Voilà. Et avec pas mal d'interviews et d'anecdotes de l'époque. Et donc, ça pour dire que Takashi Meijin a donné la naissance à une série de jeux vidéo Oui. qui va aussi être une des plus grandes séries de l'époque de Hudson. La série des Adventure Island. Oui, qui est quand même basée sur Wonder Boy à la base. Hein. Alors, à la base, évidemment. On va pas Hein. la refaire, non? C'est bon. Ouais. À la base, c'est compliqué. C'est à la base, ah, voilà. Donc, en gros, alors, Sega possède les personnages de Wonder Boy et Weston, la société qui a fait les Wonder Boy, possède tout le reste. Et l'idée, c'est que, salut Red Skiller, afin d'adapter le jeu sur les autres consoles, il fallait remplacer les personnages. Et sur le coup, Hudson a trouvé opportun de mettre en avant ce personnage charismatique qui commençait à avoir beaucoup de succès auprès des jeunes, donc à savoir Takashi Meijin. Et pas de cheveux, du coup, c'est facile à modéliser. Et pas de cheveux. Et donc, ils ont sorti le fameux Adventure Island, Takashi Meijin's Adventure Island. Eh oui. Enfin, pas de cheveux, apparemment il en a déjà. Oui, je dis des bêtises. Enfin bref, c'est censé être lui, quoi, en tout cas dans le jeu. Voilà, la vidéo que je donnais, il a pas de cheveux, mais parce qu'il a... Il a vieilli. On va dire qu'il a maturé. C'est ça, ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que sur le coup, il a été appelé Master Higgins en Occident. Ouais. Alors que c'est bien toujours été Takashi Meijin dans le jeu. Maître Higgins. Ouais. Et la série d'Adventure Island va connaître beaucoup, beaucoup, beaucoup de suites, sur le coup. Ouais. Et beaucoup d'adaptations. Ouais, effectivement. L'idée, c'est que, on en a déjà parlé une fois, la série d'Adventure Island va connaître une vie parallèle à celle des Wonder Boy. Si les deux jeux au départ sont censés être similaires, ils vont prendre chacun leur chemin et se développer de manière relativement différente. Ben ouais. Jusqu'à quand même faire des clins d'œil de l'un à l'autre, hein, des fois. Tu sais, quand tu vois l'épisode 3e sur Super NES, je crois. Le 3e, c'est sur NES. Sur NES, oui. Oui. Non, celui qui reprend un peu un schéma aventure. Ah. Et donc, oui, ce qui est rigolo, c'est que la série Wonder Boy va très vite évoluer vers ce qu'on appellera du Metroidvania. Oui. Je l'ai dit. Bon, pas encore. Enfin là, ça viendra plus tard. Ça deviendra du Metroidvania, tout ça. Mais un jeu d'aventure où on va essayer de casser entre guillemets la linéarité. Mmh. Et sauf que la série Adventure Island prendra exactement le même chemin puisque avec Adventure Island 4 sur NES et Super Adventure Island 2 sur Super Nintendo, oui, voilà. On va avoir des jeux qui ne sont plus une suite de niveau, mais un monde où on peut aller à gauche, à droite, comme on veut, et où des objets nous débloquent des accès à ce monde-là. Ce qui est tout à fait le schéma du Wonder Boy, des Monster World, en fait. C'est Monster ça. Land. Ouais. Moi, l'Adventure Island que je connais le mieux, c'est le 2 sur NES. Je pense que c'est celui qui est le plus facile à trouver, ouais. Sous nos latitudes. Bah, le seul que j'ai fait, c'est le New Adventure Island sur PC Engine. Tu vois, alors c'était un épisode qui m'avait surpris. J'en parle deux secondes vite. Oui. C'est un épisode. Alors là, pour le coup, c'était vraiment Takashi Meijin qu'on dirigeait. On le voit sur la jaquette. Mm-hmm. Et c'est un épisode qui m'avait surpris parce que, comme je connaissais déjà un petit peu la machine, je trouvais le jeu graphiquement très pauvre. Mais je me suis rendu compte que le jeu coïncidait avec la sortie de la console portable la Turbo Graphics. Mm-hmm. Non, c'était comment? Turbo GT. La Turbo GT. Mmh. Et du coup, pour une meilleure lisibilité, il fallait des personnages un peu plus gros et des décors moins fouillés, justement. Ouais. Et du coup, le jeu New Adventure Island était vraiment bien adapté pour le côté portable, parce que cette portable-là avait un écran minuscule en plus. Mmh. Et du coup, voilà, c'est celui-là que j'avais trouvé. Mais le jeu restait vraiment, vraiment agréable à jouer. Alors, c'est pas facile, hein, parce que tu sais, il faut gérer. C'est un déplacement qu'on ne peut jamais arrêter. En plus, il faut constamment prendre des fruits et à manger, sinon sa jauge de vie diminue constamment. Oui. C'était le principe de la série, quoi. Et donc c'est vraiment pas facile, mais c'est vraiment agréable à jouer. Et je l'ai fini. Attention. Alors, bon, on n'a peut-être pas d'enregistrement. Mais oui, alors je le ferai. Je le ferai. Voilà. Mais c'est là ce que j'ai précisé pour cet épisode, c'était vraiment commun à tous les Adventure Island, hein, ce système d'avancement en continu. Plus ou moins, on continue, pas toujours. Mais en tout cas, la jauge de vie qui diminue constamment pour reprendre des fruits et légumes. Mmh. Ça fait quelques épisodes, là, où Petite Pelle, il essaie de nous faire croire qu'il finit des jeux. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais ne reprenez pas ce que dit Moa, je confirme que j'ai fini ce ouais, jeu. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Allez, je vais le streamer, tiens. Je vais le streamer. Ah bah, vas-y. Ok. C'est un Je jeu sur quelle streamerai mieux. console déjà? PC Engine. Ouais. Oh bah bon courage à streamer ça. Ouais. Mais bon. Okay. Mais oui, Et j'ai fini. je te prête juste le un matos si tu veux, y a pas de problème. Hein. petit bon rapide sur Super Adventure Island, Super Nintendo, le premier épisode, qui est sans doute une des meilleures représentations de la vieille formule avec des graphismes 16 bits et des musiques signées Yuzo Koshiro. Ah oui, un petit nouveau. Si, le nouveau, si vous voulez jouer à Super Adventure Island, Super Nintendo, c'est très bien. Super Adventure Island 2 est très bon aussi, avec un côté attention, ça peut surprendre très labyrinthique de certains moments du jeu, qui a surpris un certain streamer, un petit copain nous qui s'appelle Ayorsa Eba récemment, Ah oui. dans sa découverte. Et bon, voilà, c'est que de plaisir. Il n'y a pas, pareil, il n'y a pas de mauvais épisode. Peut-être que la formule classique a peut-être un petit peu mal vieilli. Aujourd'hui, c'est vraiment très, très, très à l'ancienne. Bah, c'est des jeux sympas, surtout le 1, moi, que j'aime beaucoup. Parce qu'en fait, quand tu meurs dans le 1, tu dis, putain, y a pas de continu dans le jeu, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et en fait, il y a des continues dans le premier Adventure Island. Il faut juste que avant le panneau de fin de niveau, voilà, il faut que tu te retournes au niveau du pont et que tu tires dans les airs, à un endroit bien précis. Et il faut ramasser l'abeille. L'abeille d'Hudson, en fait, te permet de pouvoir continuer dans le jeu. Ah oui. Ce qui fait que moi, quand j'ai découvert le jeu il y a quelques années en le trouvant, en l'achetant en boutique, Ouais. je suis rentré, j'ai mis dans ma console, là, trop bien. Au bout de 5 minutes, je suis pépère, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et oui, en recherchant sur le net, en fait, il faut tirer à un endroit bien précis avec le. C'est une hache, je crois, ou un marteau qu'il utilise, Takashi Meijin, dans celui-là. Ouais, c'est Et des du fait. petites haches préhistoriques là. Voilà, et ben en fait, voilà. Il faut tirer avec la hache à un endroit précis pour faire apparaître et surtout ramasser l'abeille. Sinon, ben, t'as pas de continu. Et comme j'ai dit pour Bomberman tout à l'heure, celui-là aussi aurait pu figurer comme mascotte au final, à la place d'une abeille. Mais bon, voilà. Ouais. Après, Takashi Meiji a toujours été plus ou moins Ouais. la La mascotte de mascotte, en Bomberman, fait. une espèce de bon, mascotte, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, un représentant de la marque, hein. Oui. Assez fort. Et tout ça, sur le coup. Je comptais glisser vers une autre série que Hudson nous a apportée, ou en tout cas ils ont été les éditeurs sur la PC Engine et pour rester dans le domaine de la plateforme. Bah oui. Une série que Pell aime beaucoup, je t'en prie, vas-y. Ah bah oui, bon bah la série des PC Kids, hein. Voilà, ils ont RIP, petit personnage, petit Bonk dans la version occidentale, enfin américaine en tout cas, le personnage a été renommé Bonk's Adventure, à la base. Et donc voilà, c'est un petit. Toujours sur le même thème d'ailleurs, c'est étrange, sur le côté préhistorique, hein, comme quoi ils aimaient ça, dessiner des petits bonhommes avec des pagnes ou des peaux de bête. Et du coup. C'est vrai, hein. Mais le jeu est fantastique, ouais, vraiment, il est incroyablement original, avec des mimiques énormes pour tous les mouvements du petit bonhomme, des grimaces à n'en plus finir, une DA vraiment géniale et une Alors d'ailleurs, maniabilité excellente, quoi. aujourd'hui, il y a une vidéo d'une chaîne YouTube que j'aime beaucoup. Bon, c'est en anglais, c'est une chaîne qui s'appelle Gadgillionaire. Et il a sorti une vidéo. Voilà, je vous mets dans le chat en fait. J'espère que j'ai bien copié le lien. Ah, ça a l'air Ça... bon. Ouais, voilà. Voilà. Et voilà, sur en fait les différents noms en fait du personnage, à savoir les Ouais. différents noms dans les différents pays. Mais il faut savoir Ouais. que chaque transformation du personnage a un nom différent dans la version japonaise, qui est en fait un jeu de mots sur le concept en fait de genre PC quelque chose. Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'il faut le dire, PC Engine, en fait, c'est qu'en fait, le jeu de mots, c'est comment ça voulait dire? En Ah, fait, je c'est un sais jeu de mots sur la PC Engine et c'est PC Genjin en plus. Oui, version Genjin qui est en japonaise. fait. Oui, c'est Je crois ça. que ça veut dire petit homme des cavernes ou quelque chose L'homme comme des ça. cavernes, c'est ça. Voilà. Genjin, c'est ça. Voilà, donc ils ont fait pas mal de jeux de mots en fait vis-à-vis de ça. J'ai vu la vidéo passer, je dis ouais, bon, c'est bien, c'est une fichette que j'apprécie, donc j'ai cliqué dessus un peu au pif. Et Et en donc. fait, une fois, au bout de 2-3 minutes, j'ai dit non, en fait c'est trop bien, faut que je le partage, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et donc. Il connaîtra trois aventures en jeu en termes de jeu plateforme sur la PC Engine. Ouais. Il y aura également une version NES, mais c'est le premier adapté, plus ou moins la version NES, version Game Boy. Et surtout, il y aura deux versions Super Nintendo, un petit peu oubliées aujourd'hui. Un petit peu oublié que bah, je l'ai, j'avais dit, parce que moi j'avais présenté tu sais, PC Kit 2, c'est quand même mes jeux préférés. Hein. Et je l'avais précisé justement dans l'émission, c'est que les épisodes Super NES, je les trouve vraiment moins bons. Ils ont une maniabilité vraiment plus lourde. Le personnage répond vraiment moins bien, quoi. C'est moins agréable. Bon, ouais. C'est moins agréable. Sur PC Engine, le personnage répond. T'appuies, paf, le personnage, il bondit immédiatement. Ah, ouais, c'était pas le cas sur Super NES. Je trouve que ce qui fait surtout le charme des épisodes PC Engine, c'est qu'on sent en fait que, en termes de ce qui est possible de faire, mais en termes de beau sprite ou quoi, la PC Engine, elle est quasiment à son maximum. Oui. Tandis que les épisodes Super Nintendo, j'ai pas vraiment l'impression que ils ont vraiment tiré vraiment. Qu'ils aient vraiment tiré le hardware dans ces derniers retranchements, mais bon. Ouais, clairement, quoi. Mais c'est là qu'on a vu disparaître après le petit personnage, quoi. Qui lui, pas vraiment, parce qu'il y a eu aussi des jeux sur Game Boy qui sont sortis à peu près à la même époque. Ouais. Il y a eu une espèce de tentative de reboot. Bah oui, c'est ça, mais il est jamais sorti. Donc, sur GameCube, non, il est sorti le jeu. Hein. Oui, sur GameCube, c'est sorti, mais pas uniquement. Hein. Ah oui, d'accord. Je crois qu'il y a une version PS2 aussi qui est sortie qu'au Japon. Bon, d'accord. Okay. Je crois que sur GameCube, le jeu, il est sous le nom de GC Genjin ou quelque chose comme ça. Ouais. Non, je sais que le petit personnage est jouable dans le Bomberman Saturn. À la place d'un Bomberman, tu avais d'autres personnages de licence forte et on pouvait prendre PC Kid dedans. C'est rigolo. Et il apparaît dans les jeux dont on a deux shoot'em up, Herzog, Super Herzog. Oui, ouais, c'est le shoot'em up. Là, pour le coup, c'est le héros. Où il est habillé façon punk, mais punk des cavernes. Mm-hmm. Et c'est un shoot'em up. Ah oui, les fameux. Ouais, voilà, c'est ça, les punks des cavernes. Et c'est un shoot'em up horizontal, complètement farfelu, hein, comme la série. Voilà. Il y a noté que donc. Le personnage et les jeux ont été développés par une société qui s'appelle Red Company. Red Company à qui on doit d'autres petits jeux sortis plus tard, notamment deux shoot'em up du culte avec le temps, les fameux Gate of Thunder et Lords of Thunder. Ouais. Voilà, puisque c'est eux aussi et qui ont également été édités par Hudson. Voilà. Je ne redirai pas encore une fois que Lords of Thunder est un de mes shoot'em up préférés sur Mega CD, mais voilà. Ouais. Et également, on leur devra plus tard, toujours cette même société, une série de très courte de jeux qui est Tempo Junior et Super Tempo. Ouais. Je rajouterai juste une dernière. 32X et Saturn. Saturn, ouais. Je rajoute juste encore un truc, et là, c'est vraiment pas fait exprès. Mais c'est qu'en fait, PC Engine, donc PC Kid, petit personnage, à l'époque, encore une fois, faisait presque figure de mascotte, mais cette fois pour de vrai, parce que les mascottes à l'époque des 16 bits, c'était vraiment en général des héros de jeux de plateforme. Oui. Sur Mega Drive, c'était Sonic, sur chez Nintendo, c'était Mario, et sur NEC PC Engine, eh ben, c'était Bonk. Et les trois étaient vraiment face à face en réalité à l'époque. C'était vraiment le cas. Alors, il existe aussi une version Amiga de cette licence auquel j'ai un vague souvenir. D'y avoir joué chez un cousin il y a de nombreuses années. Faudrait que j'essaye au moins par curiosité voir ce que ça donne. Et dernier petit mot rapide sur la société, donc toujours Red Entertainment, ils sont aussi à l'origine de la série Sakura Tyson. Ah oui, une petite série qui revient bientôt. Je vais le dire quand même parce que sinon BuzzDick va m'en vouloir si je ne cite pas ça pour la Tyson. Et je tiens à dire, puisque tu l'as cité brièvement, Tempo est un jeu assez curieux. Sur 32X. Alors, Tempo, oui, même là, sur Saturn, c'est... Oui. C'est un jeu de plateforme. On te demande de choisir parmi trois niveaux au début. Je ne l'ai pas fini, hein. Je n'ai pas encore pu y jouer très très longtemps, mais je l'ai. Et là, ce qui le rend curieux, bon, c'est son univers un peu barré et tout. La séquence d'introduction animée, elle est magnifique. Mais par contre, la caméra, elle est placée très bizarrement. Ça, j'arrive pas à savoir si ça rend le jeu bien ou pas bien, en fait. Donc, voilà. Vous pouvez jeter un œil. Hein. Peut-être que je le ferai en stream un jour, d'ailleurs. Mais... Un univers, par contre, ouais, qui a l'air intéressant. Au passage, la jaquette du jeu Tempo 32X sur la version US, elle a rien à voir avec le jeu. Ils se sont D'accord. dit, les Américains, non, il faut qu'on mette un truc ultra badass avec des monstres et tout, Oui. machin. Et non. Enfin, bref. Bon, ça se faisait beaucoup à cette époque, hein, des jaquettes US un peu chelou. Oui. Oui. À vos souhaits. Eh bah. Excusez-moi. Sur le coup, on va continuer un petit peu rapidement à avancer dans l'histoire d'Hudson pour leur grosse contribution au domaine du jeu vidéo. À noter que ils sont un des éditeurs les plus importants sur Virtual Boy, puisqu'ils ont sorti deux jeux sur la machine, Panic Bomber et Vertical Force. Ouh, vache. Ah, bah deux sur une bibliothèque de 10, hein, Ah c'est oui, beaucoup. bah ça fait quand même un cinquième de la bibliothèque, hein, c'est pas. Oh, coucou le Virtual Boy, on t'aime. Et là où aussi donc Hudson va briller, quelques années plus tard, quand on chassait mes idées noires, c'est lorsque Nintendo va faire appel à eux pour créer un jeu qui va connaître un certain succès et qui va leur permettre de vendre énormément de manettes sur Nintendo 64. Oui. Ah putain, oui. Et donc, la contribution à Nintendo 64 d'Hudson se nomme Mario Party. Un bide. D'accord. Un vide, ouais. Non, on Il va pas n'aura assez. pas passé l'époque. Il n'aura pas passé la dizaine, hein, cela dit. Hein. C'est ça. Quoique si, en plus, je dis des conneries, si on compte les opus portables, si, si. Et donc, alors Mario Party, c'est quoi? Mario Party, c'est un tueur de manettes. Ah C'est ouais, tout. ouais, mais littéralement. Hein. Et d'amis aussi, hein. Et d'amis. Tueur de manettes et De d'amis. tout. C'est un tueur. Disons qu'à l'époque, devant les party games, alors évidemment, ça existait. On ne va pas dire qu'ils ont inventé les party games, ce serait salubri. Ils n'ont pas inventé les party games, bien entendu. Par contre, ce n'est pas un genre qui était extrêmement populaire en Europe. Oui, C'était c'est vrai pas ça, oui. foufou. Et là, Nintendo s'est dit que, bon, toujours dans ce qui s'est passé avec Nintendo 64 à l'époque, à savoir que Nintendo s'est dit que Mario finalement pouvait servir un petit peu à faire tout et n'importe quoi. Et donc, ils ont popularisé considérablement le party game. Alors, le principe de Mario Party, c'est très simple, c'est un plateau de jeu, des dés à tirer et des événements aléatoires sous forme de mini-jeux. Des dés à tirer. Dés. Et J'en parlais alors, ce par midi, tiens, contre, d'ailleurs. l'avantage de Mario Party, c'est que c'est extrêmement amusant. L'inconvénient majeur de Mario Party, c'est que c'est un jeu qui frustrera jusqu'au plus tréfond de leur âme les true gamers, puisqu'il y a une immense part d'aléatoire Non, comme qui Mario fait que Kart. Là, mais c'est un même truc de le. ouf parce que tu peux gagner. Et à la fin, il y a un mec qui te dit, ah, je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle, mais tiens, tu fileras deux étoiles à ce joueur-là. Et là, tu fais deux, pardon, hein? Ouais, mais c'est trop abusé en fait ce genre de truc quand même. Ouais, Donc le but du jeu, c'est ouais. il faut avoir le plus d'étoiles possible à la fin. Et tu gagnes Ouais. des étoiles quand tu remportes des jeux ou ramasses tant de pièces et tout ça. Après, ça se départage sur le nombre de pièces, justement, etc. Et donc, ouais, à un moment, t'as carrément des. Enfin, non, les étoiles, c'est en faisant des tours de plateau, en arrivant sur des cases précises. Enfin, Ouais. bref. Mais à un moment, t'as vraiment des cases comme ça, du genre, tiens, Ouais. tu as filé une étoile à lui. Et là, tu fais, mais. Ouah! Plus après les étoiles qui récompensent certains joueurs et certains critères de manière totalement aléatoire à la fin d'une partie en mode tu es le joueur qui a fait le plus grand nombre de trois, tu gagnes une étoile. De Ouais. quoi? Mais Mais tu vois, qu'est-ce qui se passe? c'est injuste quand même, ce comme principe. Ouais, c'est. Ouais, Enfin, mais je c'est sais aussi pas. injuste qu'une carapace bleue en fait, hein. Je pense qu'il Mais c'est reste. ça, c'est pour ça que je disais comme Mario Kart tout à l'heure, parce que c'est souvent le cas en plus, c'est vrai, c'est celui qui mène toute la course, souvent qui se retrouve à perdre, quoi. Enfin, c'est, je trouve ça pas juste, quoi. Mais bon. Est-ce qu'on y joue pour gagner, hein? On y joue Quelque pour part, c'est participer, ce qu'on appelle le concept du rééquilibrage. voilà. Pas vraiment juste, mais bon. Bon, après, Mario Party tentera pas mal de choses dans son histoire, du micro sur Mario Party 6 et 7, au fameux motion gaming qu'on aime beaucoup Oh. sur Switch. Ah là là, coucou le motion gaming, on t'aime. Mais oui. pour finalement pas fait, revenir mais sur... à une formule plus classique. Ouais. Mais Hudson a toujours été dans tous les épisodes, alors. Non, je pense pas. De quoi, le motion gaming? Non, Hudson a été... Super. Je suis immense, motion gaming, ça me dit son... Oui, Hudson est là depuis le début, oui, d'accord. Sur Mario Party. Sur tous les Mario Party, d'accord, ok. Peut-être pas sur le tout dernier, ils avaient déjà été rachetés par Konami, non? Oui, alors dans le tout dernier, oui. Attends. Ouais. Alors, où s'arrête hein, j'ai envie de regarder. De... Parce que sur Wii, oui, c'est toujours sur Wii. Le dernier, le 10 sur Wii U, développé par ND Cube. Non, donc c'est jusqu'au 9. 8, le 8, aussi. C'est eux. Ouais. Ouais, le 8, c'est leur dernier, d'accord. Le 8, c'est leur dernier sur Wii, voilà, c'est ça. D'accord. Effectivement, ouais, t'as raison. Alors, accessoirement, on n'a peut-être pas dit, mais pourquoi on parle de destruction de manettes sur 64? Parce bah, que oui, faut le dire, y avait quand même beaucoup de mini-jeux qui consistaient à faire des rotations avec le stick analogique. Ouais, qui était quand même la faiblesse de la manette. Hein. Alors, quand t'as une manette que son stick est très fragile, ouais, et qu'en plus on te demande, mais fallait vraiment bourriner, quoi. Ouais, c'est-à-dire, ouais, fallait jouer avec des gants au jeu en plus, hein, parce que sinon, t'avais plus la. Parce que la technique, c'était avec la paume de la main de mettre la paume sur le stick et puis de bourriner, quoi. Bah, ouais, ça te cramait la main, hein. Enfin, c'est. Voilà, c'est. Des grands moments, des grands moments. Oui, non, moi je me souviens avoir joué au premier, j'y jouais au premier, c'était cool, voilà. Après voilà, c'est très amusant entre potes, c'était pas le problème, mais ouais, les... la paume ardente de Bouddha, ouais. Ouais. Ah oui, la paume ardente de Bouddha, ouais, c'est clair ça, c'est clairement ça. Et donc, alors c'est là que je vais en venir à une autre petite anecdote qui est très très rigolote. Il y a une société qui fera appel à Hudson pour son savoir-faire dans les party games, qui s'appelle Sega. Un jour, Sega s'est dit que finalement, Sonic pourrait faire comme Mario et avoir son party game. Et en cours de développement de Sonic Shuffle, ils se sont dit, si on demandait un petit coup de main à Hudson, vu qu'ils ont fait des bonnes choses avec Mario Party. Ouais. Alors, ce ne sera pas suffisant, hein, spoiler, pour sauver les meubles. Puisque Sonic Shuffle est un jeu d'une qualité assez médiocre, on peut dire mauvaise. Bah tu peux le dire. Ouais. C'est, voilà, c'est d'ailleurs vrai. À cause de Sonic Shuffle que la Dreamcast a coulé, hein, non, non, c'est pas ça. Mais c'est, voilà, c'est un jeu qui a un temps de chargement très long, c'est un jeu qui n'est pas intéressant à jouer. Sonic Shuffle, c'est pas ouf. Bah, en fait, mais c'est rigolo de voir, oui, Sega va chercher Hudson en mode, hey, les gars. Apparemment, vous savez faire des trucs comme ça. Le problème de Sonic Shuffle, c'est qu'il souffre un peu de son concept, c'est que t'as un party game, donc ce qui veut dire beaucoup de changements d'écran. Tu vas avoir le plateau principal, tu vas avoir le plateau qui split l'air, et tu vas avoir le plateau du mini-jeu et tout. Et du coup, forcément, quand t'as un jeu sur CD, chaque changement d'écran, ça induit un chargement. Mmh. C'était ce qui était reproché à Crash Bash aussi, notamment... Oui. Pareil, qui voulait surfer sur la vague Mario Party et bah, qui propose des tours de chargement assez longs. J'aime bien Crash Bash, mais c'est vrai que les temps de chargement, t'es là, bon oh, bah ouais, on va jouer à Mario Party entre deux parties de Crash Bash, quoi. Ouais, oh, mais ça casse tellement le jeu, ça, ces temps de chargement. Ouais. Donc voilà, bah, ils ont pas su répéter leur savoir-faire, alors. Voilà, tu souris, tu souris. ou alors peut-être que voilà, la mainmise de Sega sur le jeu était trop importante, ouais, et que finalement... Ou peut-être que c'était un sabotage de Nintendo exprès, tu sais, en interne. Sabotage. Ils se sont sabotés même. Et donc sur le coup, j'allais passer à un autre jeu édité par Hudson. Alors, ça, c'est pareil, publié par Hudson, mais pas partout. Et ils sont développeurs de la version PlayStation, mais pas de la version arcade originale. Une série, donc, Capsiller l'a mentionné dans le chat un petit peu plus haut. Ils sont à l'origine de la série Bloody Roar, ouais, sur PS1 au départ. Et c'est une série de jeux de baston ben, relativement oubliée aujourd'hui. Ouais, Bloody Roar. Je trouvais trop stylé. Alors, c'était vraiment impressionnant, en plus, visuellement. Hein. C'était... Ouais, ouais, ouais, c'était ça, c'était... Ouais, ouais, ouais. C'est assez vénère. Et le problème, c'est le problème de... C'est... seconde génération de jeux de baston 3D en fait qui sont arrivés. Oui, T'avais oui. quoi sur le marché? T'avais Tekken Virtua Fighter. T'avais un peu quand même un Dead or Alive en Counter-Hit qui se cachait dans son coin, voilà. Et sous le calibre. Oui, enfin un petit peu après Ouais. quand même Ouais. pour Soulcal. Mais voilà. Sous l'edge, quoi. Ouais. Donc le souci, c'est voilà. Il y a pas mal de trucs. Cap Silver, il vient de dire Rival School. Voilà, le mot est lâché. C'est un peu ce que j'allais dire. Ah ouais, C'est mais bon. partie de ces jeux, en fait, qui derrière, t'avais beau avoir soit des graphismes impressionnants ou alors un petit gameplay, des choses sympathiques. Étant donné que voilà, il y avait des trucs qui étaient plus populaires, il y a des trucs, je pense, qui sont restés. Et c'est un peu Et pourtant, le concept de Bloody Roar, il est sympa. tragique. Ah ouais, C'est la même c'est. chose que les. Comment s'appellent ces romans là où ils se changent en animaux, Bah, les gens? les animorphes, non? Ça. C'est pas ça, non? Ouais. L'idée, c'est ça, c'est que chaque personnage a une transformation en animal, si c'est être Ouais. stylé, il est tout cassé. Et alors souvent des trucs bien bestiaux quand même, hein. C'est le Ce qui loup-garou, est un quoi. peu le même Mais concept que les même le Hunters, lapin, en même le fait. lapin, enfin c'était une lapine, je crois, mais elle avait une tronche ultra vénère en fait, elle a des Oui, yeux ouais. rouges et tout, enfin en mode j'ai la myxomatose et je vais te défoncer ta gueule, enfin c'est. Ouais, c'est ça, quoi. Mais ouais, c'est vraiment bien. C'était vraiment... Et puis, alors, je me rappelle, la transformation, en plus, elle était facile à faire. C'était pas, tu sais, le garde-cercle, machin et tout. T'appuies sur le bouton, paf, le bonhomme est là, quoi. T'sais. Ouais, quelque part, on est loin du délire des Animality dans Mortal Kombat 3, quoi. Ouais. Je crois que c'est dans le 3 ou dans le 2, je sais plus. Il me semble Non, dans le 3. c'est pas dans le 2, c'est sûr. Dans le C'est 3, ouais, c'est dans le tout ce que 3. je sais. Non, dans le 2, il y a les Friendship, Ouais. Babality, je crois, et puis les normales, ouais. Et donc, Bloody Roar apparaîtra deux épisodes sur PS1, deux épisodes sur PS2 et un épisode spin-off exclusif à la GameCube. Moi, je découvrais surtout la série avec le premier, le second, j'ai dû jouer un petit peu, mais C'est pas. pareil, je me rappelle, c'était le genre de jeu qui pouvait traîner chez les potes pour faire une partie ou deux, mais c'était clairement pas aussi riche, évidemment, qu'un Tekken, tu vois, ou qu'un. C'est dans le nombre de coups, hein, de personnages, je voulais dire, et tout ça. Après, voilà, sa sortie en. C'était en 97. Ce qui a... Il a dû faire aussi, je suppose, face au Street Fighter. Ouais, ah bah, Street Fighter. Bah, les EX, moi j'aime beaucoup, je sais que beaucoup n'aiment pas, et moi j'aime bien. Ah Mais en oui? fait, le EX, comme tu dis, c'est un épisode qui revient dans le bien là en ce moment. C'est un jeu qui est plutôt Alors, en apprécié. fait, c'est des jeux Alors que, ouais. qui sont surtout appréciés, les EX, pour leur gameplay. Oui. Mais même déjà à l'époque, les graphismes, bon, on trouvait ça moche. Faut être honnête. Mais par contre, le gameplay est excellent. En tout cas, j'aime beaucoup. Après, je Oui, suis pas après. forcément objectif, mais. Le EX3 est en retrait quand même. Les deux premiers sont sympas. Le EX3 est moins intéressant. Je l'ai Genre, pas fait celui-là. il est sorti sur PS2, il est pas foufou. Mais donc voilà. Donc en tout cas, c'est une licence qui a pas perduré, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres jeux que vous aviez envie de mentionner de la Alors moi, firme il y en a un Hudson? que je voulais Vas-y. mentionner juste pour savoir si Pell connaissait. Vas-y, dis. Ouais. C'est un jeu qui en japonais s'appelle Machine Eiyuden Wataru. Donc la version TurboGrafx porte le nom de Kiss Courage in Alpha Zone. Oh, Et en alors fait, là, ça me dit rien. Non. c'est adapté du manga et de l'anime Adrien le Sauveur du Monde. À mon Ah, avis, oh, si mais vous connaissez, oui! Ah, dont oh, le mais générique est oui! chanté par Bernard Minet. Ah, mais Adrien, sauveur du. Ah, mais oui, alors, en plus, c'était le jeu. Je joue à ce que c'est. C'est une espèce d'action plateforme vue de côté Voilà. où tu dirigeais le robot, en fait, du personnage. Voilà. C'est ça. Oui, je connais. Le premier niveau, tu le fais avec le gamin. Avec le gamin, oui. Et tu dis, putain, c'est nul. Puis en fait, tu fais le second niveau, tu dis, en fait, le jeu est génial. Puis tu Voilà, reviens au c'est. niveau d'après avec le gamin et tu dis, oh non, en fait, le jeu est pas terrible. Oui. Ah, je vois tout à fait le jeu. Oui, mais alors, j'ai découvert le jeu assez tard parce que moi, je connaissais le jeu avant sans avoir fait attention qu'en fait il s'agissait d'Adrien Sauveur du Monde. Bah, en fait, moi aussi. Ah, ouais, tu vois. Je connaissais le jeu, voilà, pour y avoir Ouais. beaucoup joué en ému, et puis à un moment donné, je l'avais Ouais. physiquement sur ma PC Engine. Et le week-end dernier, j'ai un pote qui est venu, puis du coup, voilà, on a branché plein de vieilles saloperies comme d'hab. Puis en Ouais. fait, je lui dis, comme on avait branché l'Everdrive, je dis, tiens, je vais te faire découvrir l'un des rares jeux sur PC Engine qui est pas un shoot'em up, parce que comme il est allergique au shoot'em up, voilà. Ouais. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais qui c'est qui qui a fait ce jeu. Et en regardant sur Wikipédia, je dis merde, il dit c'est adapté d'un animé. Puis j'ai oh putain, oui, d'accord, Adrien le sauveur du Alors, monde. on reconnaît tout de suite le petit bonhomme en plus. Et c'est Boss Dick, hein, voilà, qui nous écoute peut-être, mais en tout cas, il aimait Oui, beaucoup il va ça nous aussi. écouter, t'inquiète. Ouais, il aime bien Adrien, Sauveur du Monde, je crois. Ah, ok, Donc, ah, vas-y, tiens, du coup. voilà, bah voilà, ouais, Je vois Adrien, Boss Ibrinator qui sort Néo Bomberman, moi je te sors Bomberman Act 0. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Oula, oula, oula. Non, non, ah non, non, attendez. Ça, par contre, c'est sale, monsieur. Et là, qu'est-ce que tu vas faire, hein? Vas-y. Alors, Act 0 pour ce qui. Ce Ah jeu, j'ai jamais ben. compris. T'as Konami donc, qui a racheté Hudson et qui a dit: Vous me faites un Bomberman, mais vous me faites un truc, je veux un truc réaliste. Je veux un Bomberman ultra badass et tout. Du coup, Ouais. la jaquette, tu vois un mec, enfin c'est une armure d'Iron Man et tout. Et enfin bref, c'est trop. Tu prends tout ce qui fait Bomberman, tu l'enlèves, tu rajoutes des trucs génériques stéréotypes des années 2000, des années 2000 quoi. Tu le mets et voilà, ça fait Bomberman Act Zero. Voilà En pour ceux qui fait, se demandent. ce jeu-là, quand il... Moi maintenant, je le compare à un Bomberman, mais fait par Michael Bay, en fait. Ah non, mais même pas, parce que je pense que Michael Bay s'en serait mieux sorti, parce qu'au moins il y aurait eu des. Tu vois, Ouais, il y aurait eu du bon, on fun en va. fait. Non, bah, du coup, ce sera pas Michael Bay, ce sera Uwe Boll, voilà. Par exemple, ouais, enfin bref, non. Non, par contre, je voulais parler d'un jeu, parce que du coup, Capsiver, ça, il arrête pas d'en parler, et il a raison, parce que je voulais parler d'un jeu Game Boy Color, Pokémon Trading Card Game. Ah C'est vrai, oui, c'est eux aussi, d'accord, ça. ouais. C'est Vous avez eux, nommé oui, l'autre. et. En fait, Ouais. c'est un jeu donc qui est sorti à l'époque où le. Alors, c'était en France, on était encore à la première édition du jeu de cartes, je crois, quand il est sorti. Et il était vraiment bien. C'était cool parce qu'en fait, le jeu de cartes pour le jeu de cartes Pokémon, moi là où j'habitais, il n'y avait personne qui jouait quasiment, tu vois. Ouais. C'était que de la collection. Les gens ils les achetaient, c'était pas pour y jouer, et je crois que même maintenant, je sais pas si c'est un jeu qui est vraiment joué ou pas. Enfin voilà, donc c'était beaucoup pour la collection et jamais pour le jeu. Et donc, le fait de pouvoir y jouer, même si c'était contre bah, des IA quoi, bah c'était vraiment sympa. Les règles étaient plutôt bien appliquées, enfin voilà. D'accord, Et ok. c'est un jeu, j'ai un bon souvenir de ce jeu en fait. Ouais. Oh, tu vois, je connais pas. Hein. Du coup, Ouais, j'ai un bon souvenir. Après, peut-être pas le meilleur jeu vidéo de cartes à jouer qui soit sorti de tous les temps, mais moi je trouvais sympa. Puis Ouais. bah, j'étais un fanboy de Pokémon, donc forcément Ouais, j'aimais bien quoi. tout était bon à apprendre. Ouais. C'était ça. Bah un peu quand même, il faut l'avouer. J'ai même fait Pokémon Pinball, mais ça c'était C'est une autre histoire. c'est une autre histoire, c'est pas le même éditeur. autre série qu'on n'a pas citée ce soir, mais j'aurais assez de mal à en parler, peut-être un autre d'entre nous pourrait le faire mieux. Toujours Ah aussi de bah la oui. part de Red Company, la série Tengai Makio, appelée sous nos latitudes Far East of Eden. Oui, alors ça c'est une série qui avait commencé sur les consoles le NEC, c'était quoi? SNK, CD-ROM. Pardon, je viens de comprendre la blague de Red. Je, non, mais je voulais dire pas sur PC Engine, je pensais que ça avait commencé sur PC à la base, Non, moi. le premier épisode a vraiment commencé sur CD-ROM-ROM. D'accord, ok. Et justement, l'idée, c'est que ils se sont démarqués des Dragon Quest ou de Final Fantasy avec des cutscenes et des dialogues entièrement doublés. Ouais. Il y avait bah j'ai l'épisode Super Famicom, moi, c'était l'épisode spécial Far East of Eden Zero. Et il avait une particularité, c'est qu'il y avait une horloge dedans. Le jeu jouait réellement jour et nuit en temps réel. Et alors je crois que l'horloge doit plus fonctionner à l'heure qu'il Parce est. que on est d'accord, il est sorti qu'au Japon, Oui, il est sorti qu'au hélas. Japon. Et par contre, il était visuellement mais incroyable. Franchement, quand tu voyais certains boss dans le jeu, ça dénotait pas par rapport aux meilleurs qu'on pouvait retrouver dans un Chrono Trigger. J'exagère même pas. Hein. Le jeu était. Ça devait faire une sacrée grosse cartouche pour avoir une horloge quand même dedans. Voilà, bien sûr. Voilà, mais alors Par comme contre, tu tu viens de disais, dire un c'est truc un. là, du coup, je vais devoir cliquer parce que ça me. Alors, Ouais. Far East of Eden. Zéro, c'est le zéro celui-ci. Et visuellement, c'est super beau, quoi. Oui, c'est une série qui est très très peu connue chez nous parce qu'il y a eu très peu d'épisodes sortis. Je sais même pas, est-ce qu'il y a eu des Far East of Eden sortis en Europe? Je crois pas, je crois Pas pas. des masses, hein. Mais c'est vraiment le jeu d'aventure RPG en tour par tour classique. Alors, vraiment qui se jouait comme Dragon Quest en plus, parce que t'avais vraiment les personnages de dos, ou comme Phantasy en fait, et ils tapaient les ennemis que t'avais de face en fait. Ça se passait comme ça. Bon, On est t'as dans dit un par iatre. rapport à Chrono Trigger, mais t'as bu un peu l'appel, non? Ou... Non, alors j'ai Non, trouvé parce que des le jeu, non, boss. mais le jeu est beau. Attends, le jeu est magnifique, hein, je dis pas, hein, mais. Attends. Ah, si, il y a celui-là, ouais, attendez, je vais vous mettre une image sur le Attends, chat. il y a des trucs hallucinants. Non, même le second épisode qui a connu 150 000 éditions sur PS2, GameCube et DS n'est jamais sorti en dehors du Japon. Ah oui, d'accord. Oui, non, non, celui-là. Ah merde, j'arrive pas à. Dans mes souvenirs, attends, je suis en train de chercher, c'était un truc extrêmement anime, tu vois. Ça faisait, et puis, tu sais, avec cette patte graphique des styles animés des années 90, et ça a explosé à l'écran, quoi. Il y avait vraiment des trucs. Oui, la DA est stylée par contre. Hein. Oui. Je bon, j'arrive à avoir que des images en timbre poste, mais Oui, tu vois un peu, c'est vraiment super beau, quoi. je vais vous mettre des trucs. Bon, c'est le 03, hein, mais Ouais. dans l'idée. Et c'est comme tu disais, bien, c'est une série qu'on n'a jamais eue. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Non, mais c'est. Voilà, un petit peu comme les romans de Sing Saga qu'on a mis quand même des années à finir par voir chez nous. Série RPG. Rapidement, on va le mentionner, puisqu'apparemment tu sembles vouloir absolument qu'on en parle. Il se trouve qu'Hudson a publié un jeu sur Super Nintendo que t'aimes bien. Attention, je le dis, à gagner. C'est nul ça. C'est nul. N'importe quoi. Bon, il a une particularité, en plus d'être absolument somptueux, un gameplay fou, des animations à tomber par terre, c'est son prix. Le prix aussi a tombé par terre. Et le Ouh. prix est à tomber par terre, voilà. Ah ouais. Un Alors jour, moi, j'espère l'avoir, mais. je vais revenir sur les animations et tout. Moi, ce qui m'a le plus surpris sur ce jeu, c'est la palette de mouvements en fait. Ouais, clairement. C'est ce film. Alors, c'était souvent le jeu qui était mis en comparaison avec le Shinobi 3 de la Mega Drive. Je me rappelle. Parce que c'est le même type de jeu. C'est un ninja en scrolling horizontal. Et t'avances et tu tapes les ennemis, quoi. Ouais, Donc voilà. mais enfin, je suis désolé, mais la palette de coups que tu peux faire à la Ah, manette mais dans un oui. gagné, Ouais, c'est clair. waouh, c'est un Oui, truc de alors. fou, hein. Ouais, et C'est. ils avaient tous les deux l'objectif vraiment de pousser la machine à fond. Mais forcément, à gagner, aller plus loin. Faut le reconnaître, quoi. Voilà. Shinobi 3 était très bien aussi, oui, mais Oui, c'est très bien, ouais, à oui. gagner, waouh. Agane fait des choses, même par rapport à une Super Nintendo qu'on a rarement vu, notamment sur les niveaux à scrolling, Oui. qui sont d'une Oui, rapidité c'est ça. rarement vue Et sur cette pas dans le machine. bon Et oui. sens. Enfin, le scrolling de droite vers la Le gauche, comme on dit scrolling vers d'habitude. la gauche, c'est la première fois, t'es pas bien, t'es Oui, fait merde, ah, c'est c'est. ça. Ah. Mais ouais, c'est. Un gros jeu, quoi. Si vous avez l'occasion de le faire, ouais, faites-le, hein. C'est un très bon jeu. Donc on peut dire quand même que voilà, ils ont contribué assez largement à l'expansion du jeu vidéo. Ils ont beaucoup contribué à la PC Engine, forcément nous, on a connu de manière assez limitée, dont on pourra pouvoir tâter quelques jeux en début d'année prochaine pour ceux qui s'offriront la version mini. Alors j'avoue, moi à la base, j'avais pas spécialement client, mais je me dis pourquoi pas au moins pour avoir deux pads USB en fait façon PC Engine. Faut voir, faut voir. Voilà. Par contre, un Après, dernier petit jeu oui, histoire de rigoler, vas-y, oui. un petit Kato-chan and Ken-chan sur sur PC Engine qui est connu sous le nom de JJ and Jeff. Quelqu'un connaît ici? Ah non, ça Non, dit rien. pareil non plus, ça dit rien du Wow, c'est tout. un jeu de plateforme pas terrible mais qui est connu pour son humour pipi caca, mais Ah oui. je suis pas spécialement fan du jeu, mais voilà, je sais que c'est un jeu qui a pas mal de fans, qui était ressorti en fait sur le Virtual Console de la Wii. si j'ai D'accord, bonne non. mémoire. Voilà, c'est un jeu de plateforme un peu labyrinthique, pas forcément de très bon goût, mais voilà. Si jamais Ah, avec une d'accord, ok. pochette US absolument. Ah, Oh. de bon Ah. goût. Ah oui, la Aïe, pochette allez-y, US, là. balancez la. C'est quoi le jeu? Merde, putain, le nom du. JJ Ah, and ça Jeff. vient, ça vient, ça JJ and vient. Jeff, ouais. Hop, ça vient sur le chat. Tout de suite. Pouf, voilà. Ah bah vas-y, ouais. Bon, Voilà. elle est pas extraordinaire, mais. Oh. Et Putain, vous savez vous à quoi sont ça me fait quatre. penser? Vas-y. Bah, je pense, moi, savoir. Bévier peut-être, peut-être? Non? Baby Non, said non, non, butthead, non. quasiment, Le ouais. style comme ça, je vois. Alors. Non, Dova, si tu m'entends, merde, Angela Anaconda, le style. Ah oui, t'as raison. Oui, Le il y a un style. peu de ça, c'est vrai. Angela, Anaconda, il y a un peu de ça. Alors, il faut savoir qu'à la base, en fait, le jeu, il est basé sur deux personnages, en fait, de la radio au Japon. Donc, c'est Ouais. Monsieur Kato-chan et Monsieur Ken-chan, voilà. Ok. Il Mais. existe d'ailleurs, je crois, une vidéo sympa sur YouTube, toujours de la même chaîne dont tout à l'heure j'ai partagé, en fait, la vidéo de. Ah, qui était sur la série PC Genjin. Il me semble qu'il avait fait une vidéo là-dessus il y a quelques temps, qui était très très sympa. Ok. Si vous aimez d'ailleurs le jeu vidéo japonais, les trucs où des fois il y a très peu de sources ou très peu d'infos en français, la chaîne Gaijin Lionner, qui est excellente sur YouTube, Ok. je vous recommande chaudement. Ok. Bon, voilà. Bon, après, on n'a pas cité évidemment tous les jeux d'Hudson, comme d'habitude. On aurait pu parler, on aura l'occasion d'en reparler avec la PC Engine Mini, des Mini, Newtopia notamment, qui sont les Zelda, entre guillemets, de la PC Engine, qui sont voilà. aussi une Newtopia 1 et 2, dont Newtopia 2 fait partie des jeux de la PC Engine Mini qui valent largement le coup compte tenu de son tarif totalement farfelu à l'heure actuelle en version anglaise. Ouais. Tiens. Oui, tu Oui. voulais rajouter une autre série. Vas-y, C'était non. juste à propos du Far East of Eden Zero. Je voulais quand Oui. même préciser justement qu'il y a eu une version spéciale sortie au Japon qui était vendue pour la promotion de l'horloge justement, avec une vraie petite horloge pour rappeler qu'il y avait une horloge justement en temps réel dans le jeu. D'accord. Cette version-là est annoncée comme le jeu le plus cher de la Super Famicom. Voilà. D'accord, rien Voilà, que ça. tout ça, c'est tout. Attends, s'il y a l'horloge de papier avec, Voilà, c'est le jeu le plus cher de la Super Famicom, Far East of Eden Zero, Eh bah, dis spécial. donc, quand je vois le tarif par exemple d'un Mega Man X3, j'ai peur là de ce Ouais, je ne sais pas ce que ça peut être. Hein. que tu me dis. Oui, parce que voilà, moi je connais du Rendering Ranger R2 et j'ai un peu peur là. Ok, et bah écoute, t'as l'air d'avoir envie de parler, Pelle? Non, je vais me Quel... coucher. Ah, ce Salut, lancement, bonne stroke. nuit, hein. Beyond, Snark, là, t'as Beyond, encore fait de la tu le merde. ceintures et tu l'empêches de partir. C'est trop tard, je suis parti. Non, non, non, non. Il me voit plus, là, je suis dans le jardin. Et donc, Ça fait il ça. est temps que tu nous racontes un jeu. Bon, je vais vous raconter un jeu que j'ai beaucoup aimé, encore une fois. Parce que je vous ai présenté le meilleur shoot 'em up de l'histoire, hein, Hellfire. Même si en réalité c'est plutôt Radiant Salvagun ou Kaoga. Le meilleur platformer, c'était PC Kid 2. Et là, je vais vous raconter le meilleur Zelda-like de l'histoire. Oula. Oula. Le meilleur Attention, Zelda-like de la polémique l'histoire. Le arrive. meilleur. La polémique arrive. Shining Wisdom. Non, mais en général, on pense à Alundra ou tout Shining ça. Wisdom. Mais moi, je vais vous citer Blood Omen, Legacy of Kain. Ah Voilà. oui. Eh bah tiens, je l'avais pas vu venir. Et j'ai rejoué en Ouais. ce moment en plus. Ah bah alors, excellent. T'es arrivé loin là déjà? Je l'ai commencé il y a 3 jours. D'accord, Je bah l'ai c'est bien. recommencé il y a 3 jours. Mais je l'avais Ok. fait à l'époque, oui. C'était du Alors. Zelda-like, Blue Domain? Alors Ah, voilà, c'est là complètement. que je m'inscris. Hein. Pas Je vais pas. Ah, vraiment, mais ah bon. bah si. Allez. Ah vas-y, explique-toi. Ah bah alors, je vais tout Ça m'expliquer. Alors déjà, juste pour raconter, j'avais eu la PlayStation avec Tobal numéro 1 comme console, comme jeu, d'accord? Et le Legacy of Kain, en fait, c'est le premier jeu que j'ai acheté après avoir eu ma console, en fait. Voilà. D'accord. Et je l'ai pris en plus sur un truc, sur un coup de tête quasiment, parce que en fait, je n'avais lu aucun test du jeu, et les seules informations que j'avais à propos ce truc, de ce jeu, c'était les publicités qui étaient dans les magazines. J'avais pas lu les tests à l'époque, mais je voyais dans les publicités les notes des autres magazines qui mettaient, et ça faisait vendre à l'époque, hein. Tu sais, a eu 18 sur 20, dans tel magazine et tout Ah ça. bah oui, parce qu'on n'avait pas d'autres moyens de s'informer, en fait, c'est vrai, S'informer. hein. Et je me dis, mais comment un RPG. Je savais que c'était quand même un jeu de rôle et que j'aimais ça, et je me dis comment un RPG pouvait avoir de telles notes. Ce qui était vrai, parce que c'était des magazines que je suivais, mais je ne sais pas pourquoi, j'étais passé à côté des tests à ce moment-là. Et du coup, j'étais complètement ébloui. Alors, pour plusieurs choses, hein, parce que c'était la PlayStation. Alors, déjà, les vidéos, quand même, hein, le jeu était blindé de vidéos. De cutscenes, hein, en vidéo, Effectivement, ouais, Ouais, je confirme. ouais. Les voix tout en FR, franchement, le doublage était excellent. La BO du jeu, les musiques, c'était des musiques d'ambiance vraiment excellentes. Et d'ailleurs, je vais revenir sur l'histoire du jeu. C'était la première fois que je faisais un jeu avec une ambiance. Alors, c'est même pas sombre à ce niveau-là, hein. C'est gore, quoi, on peut le dire. Tu l'as fait, toi, Beyond, ou pas? J'ai pas joué, j'ai pas terminé Legacy of Kain. Ouais, Je suis passé un petit peu à côté. et c'est là que tu voyais, à cette époque-là, que tu commençais, que le public du jeu vidéo pouvait être plus mature, parce que, tu sais, le passage de la Super NES à la PlayStation, c'était vraiment l'objectif de Sony, c'est d'élargir le public. Oui. Et tu voyais complètement, en fait, que le jeu vidéo s'adressait aussi à un public vraiment plus mature. Et avec Legacy of Kain, on était en plein dedans, quoi. C'était un univers très très gore, sombre. On dirige un vampire où il tuait les humains. En fait, le personnage dans l'histoire, on commence par notre assassinat, en fait. Et on a la possibilité, via un autre personnage, de ressusciter. Et on contrôle à ce moment-là un vampire. Et donc, forcément, qui dit vampire dit boire du sang, parce que c'est notre seule façon de survivre. Et donc, on est obligé de s'en prendre régulièrement à des innocents. Dans des cris et tout ce qu'on peut, quoi. Et ben ça a marqué à l'époque, quoi. Tu sais, Je pense que c'est la mécanique du jeu qui m'est à l'époque, je suis complètement passé à côté. Ouais. Et je l'ai compris que beaucoup plus tard, quand j'ai rejoué au jeu, Ouais. le concept de devoir en permanence prendre, boire du sang, entre guillemets, des. Ouais, mais on n'est pas dépendant du. Je veux dire, le sang, en fait, tu le perds quand tu te fais toucher. Hein. C'est pas du tout, tu sais, une jauge qui diminue régulièrement pour boire du sang. Parce qu'ils auraient très bien pu faire un truc comme ça. Mais là, c'était vraiment pour simplement redonner de la vie. Hein. Mais tu étais obligé d'éliminer. Alors, pas toujours. Des fois, tu voyais des personnages, souvent des femmes, enchaînées sur les murs des donjons. Et dans ces cas-là, tu pouvais soit les égorger pour boire leur sang, ou alors directement boire leur sang. Mais j'aimais bien d'abord les Très tuer sain pour pas les faire sang. Ouais, comme voilà, activité. comme activité. Mais non, mais c'était assez dingue, parce que ça te donnait la possibilité de savoir si tu voulais la tuer pour pas qu'elle souffre pendant que tu lui buvais son sang, en fait. Tu vois, ça servait à rien, mais ça te faisait poser la question quand même. C'était vraiment marrant. Enfin oui, on riait quand même en jouant à ce genre de truc. On riait, Bah oui, on riait je aux voyais éclats, quoi. C'était un jeu de rôle. le. Ah, il est convivial, oui, c'est Ah oui, sûr. un jeu de rôle, ça y est, j'ai Voilà, compris. c'est ça. Donc en fait, le personnage qui est devenu vampire, en fait, c'est Kane. Kane qui deviendra un des protagonistes de toute la série, en fait, hein, des Legacy of Kane. C'est le Carambolage. seul, il me semble, dans lequel on le dirige, en fait. Parce que Oui. dans les Soul River et tous les épisodes qui suivront, Raziel. c'est Raziel et il est notre Raziel. ennemi, en T'as fait. Blue Domain 2 aussi, hein, du Ouais. coup. Il y a Blue Domain 2, Ouais, mais. Le truc, c'est pas la série des Soul River. C'est à la fin, c'est pas, c'est pas, c'est à la fois la même série et pas la même série. C'est ça. Voilà, c'est un peu compliqué, comme Voilà. ça. Alors, C'est ouais, cool. c'est ça, quoi. Alors, pour ce qui est du Zelda-like, moi, je pense vraiment que c'en est un, parce que déjà, alors, il n'y a pas que ça, évidemment, mais la prise de vue, elle est identique. Vu de dessus, tu rentres dans des donjons, tu es obligé de choper des armes pour pouvoir avancer, sinon tu peux pas. Tu sais, c'est exactement le schéma pour avancer plus loin, tu es obligé de choper une arme précédemment, tu sais, pour avancer, pour te débloquer. C'est le Ouais, même système, en fait, quand tu y penses. Non? T'as pas l'air oui. convaincu, Ah mais non, c'est pas ça, c'est que en fait je l'ai pas fait, et tu sais, moi vu que Ouais? j'ai vu des des vidéos peut-être vite fait. Et je me disais, ah, ça a l'air, ça ressemblait à un jeu style Diablo, ce genre de truc, tu vois. Mais voilà. Non, mais c'est pas du tout ça, parce qu'en plus. Non, mais je l'ai pas fait, donc j'en sais rien en fait. T'as un donjon et un boss à chaque donjon, hein, à chaque fois. Ouais, non, bah, ouais, j'avais joué à Soul Reaver, moi. J'ai compris pourquoi tu faisais le parallèle surtout avec Diablo, c'est surtout au niveau de l'ambiance graphique en fait. Mais je pense Oui. que c'est ça, je pense que c'est ça, Chou, t'as raison. Parce que ouais, tu l'as dit, et c'est bien, c'est surprenant, c'est vraiment de la ce qu'on appelle de la dark fantasy. Hein. Oui, et Mais vraiment. dark, c'est vraiment. Oui, très très dark, hein, c'est clair. Et c'est un univers Nosgoth, donc c'est le monde où se Alors, je. situe le jeu. C'est un univers Oui. extrêmement riche. Hein. Ah, exactement, quoi. Alors, il a un défaut, le jeu, quand même. C'est les temps de chargement qui sont vraiment très très Oh pénibles. putain, oui. Mais avec des temps de chargement jusqu'à. Même pour accéder au menu. C'est vraiment, vraiment lourdingue, quoi. C'est dommage. Ça gâche beaucoup dans l'atmosphère, hein, forcément. Mais pour moi, c'est vraiment son seul et unique défaut, quoi. C'est vraiment. Il a été plutôt bien accueilli par la critique à l'époque. Hein. Et j'ai Ouais, presque maintenant, il envie fait de plus aligner dire, les notes. est-ce que tu y as fait sur PlayStation, est-ce que sur PC il y avait autant Alors, je pourrais pas de dire. temps Moi, de j'ai que chargement? l'expérience. Moi, je l'ai Je pas pourrais fait pas sur dire. PC. Hein. Ouais. Ok, bon. Et en plus, il coûte vraiment pas grand-chose. Non, il coûte pas. T'as raison, monsieur Chou, il coûte vraiment pas cher. Quoique, c'est quand même un coût de 25-30 balles pour un jeu Ouais, qui mais voilà, mais fonctionne. c'est pas Voilà, mais... excessif, Alors, quoi. pour l'info, j'ai eu la. Je sais plus comment ils avaient appelé ça, la Nosgoth Collection, peut-être, j'en sais rien. Enfin, Ouais. sur Steam, à un moment, c'était à 5 balles. T'avais deux Blue Domain, Soul River, et t'avais peut-être d'autres trucs aussi. Enfin, Ouais. voilà. Et chose assez incroyable, le jeu a quand même. Ah, je sais pas si je peux le dire, ça. La viande. Oh oui, ça peut dire Il y a prescription. Bon, prescription. alors voilà. Les enfants sont au Voilà. lit. Voilà. Bon, tant pis. Si vous voulez pas savoir sur le jeu, vous écoutez plus là. Alors, ce que je veux dire, c'est que le jeu a deux fins, en fait, possibles. Oh! Bah comme tous les... Non, je sais plus. Scandaleux, ça. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Non, pas du Non, mais tout. je veux dire, c'est énorme parce que le Le personnage. date de je sais plus quand, Non, alors mais le c'est jeu spécial, bascule quoi. tout le temps dans cette dimension du bien ou du mal, en réalité. Et tu le vois déjà avec cette possibilité, même si tu dois tuer des personnages, savoir si tu le fais souffrir quand même ou pas. Tu vois ce que c'est comme je te disais tout à l'heure. Eh ben, ça se répercute jusqu'à la fin du jeu, à savoir si au final, parce qu'en fait, tu dois enquêter sur ta mort. Hein, c'est ça le but du jeu, c'est que tu suis l'aventure pour savoir qui a fomenté ton assassinat en fait. Donc il y a un vrai scénario derrière. Et je reviendrai dessus d'ailleurs sur qui a écrit le scénario. Et du coup, à la fin, on te donne la possibilité de savoir Mousse Diouf. si. Non, il fallait que je fasse. Ah, c'est pas. Ah, mais quelque part, c'est logique. Vas-y, qui est pas là, Ouais, voilà, faut. c'est pour ça, il fallait que je le Ah, casse bah quelque voilà. part. Donc le voilà, c'est Ah, Mousse bah, Diouf. vous faites bien, vous faites bien. Et du coup, ça demande la possibilité à la fin, si tu décides d'aller jusqu'au bout ou non. Et du coup, ça fait une bonne fin et une mauvaise fin. Sauf que, évidemment, quand on voit les épisodes suivants, sûrement avec Soul River, qui se passe plusieurs milliers d'années plus tard, on devine quelle fin a choisi Kane, en réalité. Tu vois, avec la fin du premier épisode. Alors, ce que je peux rajouter, c'est que justement à propos du scénario, c'est qu'il y a quelqu'un de très connu hein, qui a participé, qui a élaboré, en fait, qui a participé à cet épisode-là, mais qui a réalisé tous les épisodes précédents, suivants, c'est Ami Hennig, à qui on doit les Uncharted et les Jack and Daxter. Vous voyez ce que je veux dire? Vous connaissez? D'accord, petit changement Voilà. d'ambiance. Forcément. Ouais, petit changement. Et ils l'ont interviewé, pour elle, c'est vraiment la série dont elle est le plus chère en réalité. Bah tu Pour m'étonnes, tous. mais comment tu... Enfin, Ouais. je veux dire, en Ouais. termes d'écriture et de profondeur et tout, Ouais. il y a un Bah, gap, hein, c'est fou. ouais, il y a un gap, c'est vrai. C'est un jeu de rôle, tu sais. Enfin, sans dénigrer, j'aime bien Uncharted, hein, c'est pas le problème, mais... Ouais. C'est peut-être la forme du jeu qui est plus facile, tu sais, pour y apporter un Ah, scénario, sans en doute, fait. ouais, sans doute. Ouais, je pense que Ouais, sans c'est aucun peut-être doute. plus facile hein, d'inventer toute une histoire sur ce type de format de jeu, en fait. Moi, je pense, en fait. Et juste pour dire, c'est que. Donc, et en plus d'avoir Amiennik, donc, a fait les épisodes, a réalisé les épisodes suivants, c'est que ceux qui ont fait le premier épisode, donc Blue Domain, c'est l'équipe Silicon Knights. Donc c'était édité par Crystal Dynamics en 96. Les développeurs étant Silicon Knights, ils n'ont pas fait les épisodes suivants en fait. Hein. Ils ont laissé tomber. Non, au moment de réaliser, d'acheter le jeu à Silicon Knights, oui. Crystal Dynamics a verrouillé le truc en... Comment dire ? Ils avaient déjà prévu de faire une suite, mais ils avaient déjà prévu de ne pas la faire avec Silicon Knights. Oui. Mais il y a une raison, hein, Beyond. Hein. C'est qu'en fait, Silicon Knights a été racheté par Nintendo. Nintendo ? Et pour faire quoi ? Et ouais. Demande. Alors, et ben, et voilà. Pour faire quoi ? Un jeu que vous connaissez certainement. Pour faire Eternal Darkness, en fait. Ouais. Voilà. Tout à fait. Ah, vous saviez ça. D'accord. Ouais. Bah, si tu connais, oui, je le connais. Ouais. Ouais. Eternal Darkness. Qui est aussi. Eternal Darkness Sanity's Requiem, oui, vas-y, moi. Bah, qui est aussi un jeu plutôt sympa et plutôt dark. Et plutôt dark. Et ils sont restés vraiment dans cette idée de jeu très, très sombre. Ouais. Et on leur doit également un second petit jeu sur GameCube. Oui. Puisque c'est à eux qu'on a confié le remake de Metal Gear Solid. Le Twin Snakes, c'est eux. Ah, c'est ah, bah, d'accord. Ouais, ouais. Ouais, c'est eux. Alors, on peut pas faire que des trucs bien, hein, voilà. Ouais, Mais c'était une volonté vraiment de la part de Nintendo, hein, d'avoir acheté ce studio pour faire des jeux matures. Ils voulaient vraiment déjà sortir de l'optique jeu Mario, Zelda, tout ça, quoi. Vraiment, ils voulaient. Eternal Darkness, qui avait un élément de game design qui a jamais été repris après, je crois. Hein, où tu avais une jauge de sanité mentale. Ah oui, c'est ça. Ouais. Et où en fonction, donc non seulement voilà, tu avais une jauge de santé et tout, mais en fonction de comment tu évoluais dans le jeu, si tu arrivais vraiment à résoudre les ennemis rapidement, si tu te faisais pas trop taper par un ennemi ou autre, bah ton personnage il subissait des pressions psychologiques à tel point que des fois, à un moment, ton perso, il se mettait à délirer, quoi. Ouais, c'est ça. L'effacement de sauvegarde et tout, je crois, il y en a, ils en ont encore. Mais du coup, c'est dommage parce que l'idée, elle aurait presque pu devenir un truc à reprendre dans tous les genres de jeux. Quoi. Bah ouais, tellement ouais. C'était bien. C'était assez logique. Enfin voilà. Et donc, en tout cas, j'ai oublié ça par contre. Silicon Knights, alors qu'actuel n'existe plus. Non. Ouais, ils ont disparu. Depuis 2014. Ils sont décédés. D'accord. Depuis 2014. C'est quoi leur dernier jeu du coup X-Men Destiny. Ouais, c'était pas glorieux. On leur devait aussi Too Human sur Xbox 360. Oh là là, mais je connais pas ça. C'est pas passé follement pour eux, on va dire. Ah merde. C'est dommage. C'est dommage. Donc voilà, ils en sont. Moi, c'était. Donc, pour revenir à Blue Domain Legacy Hawken, c'est vraiment un jeu, alors qu'il y a une ambiance extrêmement différente. De tous les épisodes suivants, parce que là il est très ancré dans un médiéval européen en plus, quoi. C'est dans les décors et tout, et c'est quelque chose qu'on retrouve pas dans les épisodes d'après, quoi, parce que c'est une époque qu'on n'arrive pas à déterminer, alors que là il est vraiment ancré euro-médiéval, avec des zombies, il y a des zombies apparemment, mais avec des loups-garous, des vampires, ça fait vraiment Europe des pays de l'Est, on pourrait se promener en Transylvanie, quoi. Nosgoth, c'est le pays imaginaire du jeu, mais c'est la Transylvanie en réalité, quoi. C'est vraiment chouette. Donc voilà, un jeu que je recommande chaudement quand même, malgré les temps de chargement. Mmh. D'accord. Et profite bien, monsieur Chou. Oui, bon, je l'ai recommencé avant-hier. Je l'avais sous la main, littéralement. Ah ouais. Ouais. Je vais prendre le temps de le refaire. Ouais, non, c'est un excellent jeu. Il est très long aussi, par contre. Ouais, bah tant mieux. Ouais. Dans le vague souvenir que j'ai, je me souviens que c'est un jeu pas facile et surtout très long. Ouais. Mais c'est peut-être, je sais pas. Une dernière chose aussi, c'est que les armes et l'habillage du personnage, c'est un truc qui m'avait marqué à l'époque, c'est que visuellement apparaissait sur le personnage à l'écran. C'est-à-dire que tu l'habillais avec une autre armure, il était visuellement avec une autre armure. Tu vois, et le gameplay changeait suivant l'arme que tu utilisais. C'est vraiment très très riche, quoi. Voilà, voilà. Et qui prenait sur le coup d'autant plus ce risque à l'époque d'être en 2D. Oui. Oui, en plus, oui. Voilà. Et bah dis donc. Hein? Oh. Mais qui eût cru que la nuit le ferait choisir ce jeu-là? Ah là là, c'est fou. Oui. Oh, c'est un jeu que j'aime beaucoup, moi. Voilà. D'accord. Ok. Merci bien. Bah oui. Et donc, sur le coup, on va mettre fin à ce podcast. Ça fait 2 heures qu'on a commencé. Bah oui, c'est fini. C'est déjà fini. Donc, sur le coup, on va faire comme d'hab. On va remercier les personnes sur le chat présentes qui ont participé, ceux qui n'ont pas participé, qui nous ont écoutés. On remercie les gens sur YouTube qui vont nous écouter aussi, ceux qui laissent des messages, ceux qui laissent pas des messages, tout le monde. On remercie Pelle pour avoir eu un son aussi bon, performant, claquant et constant Mais toute la à soirée. qui le Profitez dois-je? bien, ça va pas durer. Bah, certainement Ah bah dès la pas. prochaine, c'est mort, c'est fini. C'est mort, ouais. La prochaine fois, ce sera un mot sur deux et c'est tout. Voilà. Voilà. Et sur le coup, on va vous souhaiter une bonne nuit. À très bientôt pour je ne sais quoi, je ne sais où. Voilà. Voilà. Un Bah autre dire? ouais, tchou! Des bisous.